Ça devient intéressant. Donc, ça veut dire que tu vas aller à Sanchu, au truc de Sanchu pour Chang. Mm-hmm. Parce que tout ce que tu me racontes, nous racontais là maintenant, c'était parce que là où tu étais à Chang. Et qu'on a prié sur toi pour mettre l'huile et autres là maintenant. Mais au préalable, à Sanchu, on a prié sur toi, à la CMC qui se trouve à Sanchu, et tu parles en langue. Mm-hmm. Et à Sanchu, à la CMC de Chang, on prie là pour te délivrer, on ne peut même pas délivrer. Mm-hmm. Maintenant, rentrons donc à Sanchu, voir comment tu as reçu la langue. Voilà. C'est juste que. Maintenant, c'est un dimanche. Oui. Avant même le dimanche, là, le pasteur avait annoncé à l'avant le vendredi que dimanche, on va prier pour tous ceux-là qui ont cru et qui se sont déjà baptisés. Maintenant, on va prier pour eux et, si possible, les imposer les mains pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Est-ce que lui savait que tu avais quelque chose? Qu'ils reçoivent le baptême dans le Saint-Esprit. Oui. Il ne savait pas. Oui. Parce que le frère chez qui je dois vivre, avec qui je dois vivre à Chang, oui. Le jour que ce frère-là prie pour moi, oui. Il tient mes mains. Oui. En fait, le passé aussi tient mes mains. Il lui demande s'il a remarqué. Donc, il se pourrait qu'il voit, il avait les visions, s'il a remarqué, en fait, l'appel que j'ai. Oui. Bon, quand il a dit ça, bon, toutes ces choses-là ne m'intéressaient pas. Moi, je savais juste qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Oui. Maintenant, quand il a dit, là, le frère-là a dit que oui, il a ressenti quelque chose en oui. moi. Oui. Donc, il ressentait quelque chose, mais du bon côté. Oui. Bon, quand il disait ça, donc... Toi, tu savais que ça, c'est le mauvais côté qu'il est dans. Il savait que c'est le mauvais côté. Maintenant, ils ont donc... Le pasteur a donc annoncé que dimanche, on va prier pour tous les nouveaux, là. Oui. Bon, quand le dimanche arrive, donc, à l'assemblée, on s'agenouille, là. Oui. Le pasteur a donc commencé à prier. C'est parce pasteur qui t'a arrêté à la main précédemment. Oui. Oui. Il a donc appelé les autres sœurs et frères qui étaient là. Oui. Donc, c'était un peu comme un cercle, quoi. Oui. On prie pour qu'on reçoive le baptême du Saint-Esprit, selon que, oui. qu'ils disent. Oui. Donc, maintenant, en priant donc ainsi, oui. c'est là où, à un moment donné, ça n'allait pas. Ils ont donc dit que tous ceux-là qui prient en langue... Ça n'allait pas. Quand tu dis ça n'allait pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire en français, que, ça veut dire rien ne se passait. Rien ne se passait. Oui. Donc, on ne parvenait pas toujours à recevoir ce baptême-là oui. dont ils parlaient. Oui. Donc, ce qui fait donc qu'ils ont donc dit qu'on prie tous ceux qui savent prier en cette langue, en langue, qu'ils prient. Qui décident maintenant de qui prier. Qui décident de prier. Ils changent de stratégie comme ça, le Saint, ça fait que le Saint-Esprit vient. Donc, ça fait que ça va vite accélérer le processus. Donc, quand tous ont donc commencé à prier oui. le Shababa, comme on priait souvent. Oui. Bon, quand ils ont donc commencé... Vous étiez un nombre de combien dans le cercle pour qui on devait prier pour que vous receviez le... Bon, ils étaient au moins 5. Oui. Ils étaient 5. Non, vous qui attendiez ce nous qui attendions. Oui. Nous étions environ 4. Oui. À genoux là-bas. À genoux là. Les 5 personnes étaient debout en train de prier pour que vous le receviez. Ils priaient. Donc, ils ont entré dans l'autre dimension des chats, C'est ainsi que... Comme j'avais tellement désiré ça, puisque je disais que je désirais ça quand j'étais toujours avec ce frère-là, que vraiment avec ça, j'aurais un niveau de combat spirituel plus élevé encore. Oui. Donc pour combattre ces mauvais esprits-là qui ne parviennent pas à me quitter. Donc, et ce qui me dérange là. Oui. Donc quand j'ai donc reçu ça, ils ont dit. Non, non, dis-nous comment ça, tu as reçu. Comment tu fais comme ça? Tu veux pas qu'on comprenne ton témoignage, frère William? Non, on comprend. Oui. Bon. En fait, c'est que quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est que tellement, quand ils priaient là, ça n'arrivait pas. Ils ont donc dit qu'on commence à désirer. Oui. Donc, à désirer. Donc, qu'on commence à libérer la langue. Libérer comment? Donc, qu'on ne ferme pas la bouche. Oui. Comme ça, quand ça va venir, donc, ça va faire pouf, ça le va champagne. Faire pouf, oui, on va parler. Maintenant, quand... Mais frère, je sais pourquoi tu ris. La façon dont on est baptisé dans le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit ressemble au champagne. Ok. Donc, quand ils ont donc dit ça, qu'on soit dans un esprit de prière, oui. donc dans l'attente de recevoir cela. Oui. Maintenant, quand nous étions là, donc quand ils ont commencé à prier en cette langue-là, on était là jusqu'à ce qu'on a ressenti comment, donc les vibrations qui commençaient aussi sur nous. Oui. Donc, c'est, la langue-là sortait aussi. Ok, vous avez obéi à ce qu'ils ont dit en disant ouvrez la bouche. Oui. Vous commencez à marmonner et puis c'est venu physiquement. C'est venu. Oui. Pour les autres aussi, c'est venu. Pour les quatre ou pour les trois autres, c'est aussi venu. Une personne n'a pas reçu. Oui. Parmi nous quatre. Malgré qu'il a fait sa langue n'importe comment. Malgré qu'il a fait sa part de champagne, n'a pas fait pouf. Après, on a pris celui-là, son cas à part. Oui. Donc on a dit qu'on va prier pour lui jusqu'à ce qu'il reçoive. Oui. On va forcer jusqu'à ce qu'il reçoive le Saint-Esprit là. Parce qu'il faut cela. Donc, quand ils ont donc prié, on a reçu donc cela. Oui, quand tu as parlé, quand tu as reçu, ça manifeste comment? Donc, quand tu as commencé à m'amener la langue, c'est venu. Quand j'ai commencé là, c'est donc, quand j'ai commencé à. Ça a commencé au bout des lèvres. Oui. Donc, les lèvres faisaient. Ça m'amenait, oui. Ça balbutinait. Voilà, après, ça a commencé par dire un mot. Après, oui. Ça venait de plus en plus. Ça... Et là, pendant que ta bouche disait comme ça là. Tu t'écoutais parler. Je m'écoutais parler. Et ça te plaisait. Ça me plaisait. Oui. Tu savais que tu avais reçu. Il savait que j'ai reçu. Oui. Parce qu'il avait pris 1 Corinthiens 14 là. Oui. Est-ce que c'est 1 Corinthiens 14 parle de cette façon là? Ce n'est pas de cette façon que ça parle. Oui, mais jusque là, à ce moment là, tu ne connaissais pas. Je ne connaissais pas. Oui. Puisque moi, je savais que c'est le Saint-Esprit. Que, bon, c'était le Saint-Esprit. Oui. Maintenant, après cela, quand vous avez fini là-bas, quand c'est venu là parfaitement, on a dit maintenant vous avez reçu. Oui, ils ont dit qu'on a reçu. Mm. Maintenant, nous étions contents. Ils ont dit qu'on exerce cela constamment. Donc, vous priez constamment comme ça pour que ça reste. Comme ça, pour que ça puisse croître. Donc, pour que ça puisse croître. Oui. Une sœur maintenant qui était là disait que pour elle était venue quand elle était chez elle dans sa chambre. Oui. Elle priait un jour jusqu'à cela est venu. Elle a commencé. Elle s'est mise à parler comme ça. Oui. Après, elle a eu peur que. C'est encore quoi qu'elle parle comme ça, elle ne comprenait pas ce que ça... Oui. Elle était allée rencontrer le passé. C'est là où maintenant le passé a dit donc que l'Assemblée a besoin de ça, qu'il faut qu'on prie pour que... Oui, donc c'est cette sœur-là qui a amené ce don là-bas. Justement. Donc c'est sous l'impulsion de cette sœur-là qu'ils ont commencé à prier comme ça là-bas. Mm-hmm. Mm-hmm. Donc, et entre-temps, comme le passé aussi, lui, toutes les fois, si un frère vient ou une sœur, qu'il a un problème spirituel et qu'il vient rencontrer le pasteur, tout ce que le pasteur fait d'abord, c'est qu'il commence par prier en langue là. Oui. Donc, il prie d'abord comme ça. Donc, c'est, selon que j'avais vu sa façon de procéder, donc c'est comme ça qu'il faisait. Donc, après ce temps-là, quand j'arrive donc à Chang, j'ai cette langue-là. Et quand vous rassemblez, donc, à l'issue de ça, quand vous rassemblez, allons à l'assemblée, donc, vous priez toujours en langue, vous priez. Quand on se rassemblait à l'assemblée, il y avait des moments où, généralement, quand on donne un sujet de prière, on dit que frère, on va prier, par exemple, bon, pour le frère Théodore qui est à l'extérieur, parce que c'est lui qui est. Asem, c'est celui qui est le chahé missionnaire. Oui. Donc, c'est lui, en fait, que le docteur Zara a confié la responsabilité. Quoi. Oui. Donc, maintenant, s'il faut prier pour lui, donc, il disait que prie, frère, même si les mots, si tu n'as pas quoi dire, prie en langue. Oui. Prie en langue. En priant en langue, même, le Saint-Esprit va te donner. De pouvoir prier même en intelligence. Oui. Donc, c'est comme ça que chaque fois qu'on se rassemblait, on priait toujours. Donc, même quelqu'un qui ne voulait pas... Donc, si on donne un sujet de prière et qui ne veut pas prier, donc... En langue intelligible. Donc, il prie en cette langue-là. Bon, est-ce qu'il y avait des interprétations? Il n'y avait pas. À la CMC, il a. Oui. Je n'ai vu aucune interprétation. Ok. Aucune interprétation. Ok. Là, maintenant, quittons Sanjo, maintenant, on se trouve dans Achang. Nous nous retrouvons à Chang maintenant. Mm-hmm. À Chang, tu es encore à la CMC. Mm-hmm. Et là, c'est pour ça que j'ai interrompu pour qu'on parle ainsi. Parce qu'il y a la CMC à Sanchu. Oui. Et par la suite, tu te voyages maintenant pour Chang. Mm-hmm. Et pour Chang, à Chang maintenant, tu es à la CMC. Et là-bas, et Sanchu, tu as reçu le Saint-Esprit, soi-disant. Mm-hmm. Et à Chang maintenant, c'est tout maintenant le nouveau où on prie tout plutôt maintenant pour que c'est un esprit sort. Mm-hmm. Mais ça pose un problème là, pas vrai? Justement. Oui. Justement. À un moment donné, je me demandais que Seigneur, est-ce que quelqu'un peut avoir le Saint-Esprit et avoir encore un autre esprit en lui? Frère, tu peux répondre à sa question avant que lui ne parle. Sa question, si c'est mérite d'être posée avec les chrétiens aujourd'hui. Oui, en fait, chaque chrétien allait poser exactement cette question-là. C'est d'où j'ai posé la question. Comment se fait-il qu'à Saint-Esprit, il y a le Saint-Esprit à Chang? Il y a le chasser le Saint-Esprit. Chasser le Saint-Esprit, voilà. Oui, bah, ça veut dire... Il y a un Saint-Esprit à CNCI de Chang et l'autre Saint-Esprit à CNCI de Sancho. Qui chasse l'un, qui chasse l'autre. Ok. Donc, c'est Flash qui te taquine là comme ça. Oui, il te taquine pas vrai. Mm-hmm. Non, c'est pour l'édification du corps de Christ. Oui. Donc, en fait, c'est cette question-là qui faisait que, quoi que les gens me disaient que je sois convaincu que je suis délivré, je ne pouvais pas être convaincu que j'étais délivré. Parce que je me demandais toujours que Seigneur... Bah, qui te disait que tu sois convaincu que tu t'es délivré? Qui te disait cela? Parce que, bon, c'est bien après. Je vais y arriver. C'est dans la doctrine de confession quand il y avait embrassé ça ici okay, à Douala. Ok, ok, ok. Donc je vais y arriver. Mm. Maintenant, quand cette scène-là se passe, donc, je me pose tant de questions. Je me demande bel et bien si réellement j'ai reçu le Saint-Esprit. Et il m'arrivait parfois dans cette quête de délivrance-là, de rencontrer, de visiter une maman, de rendre visite à une maman. Attends, donc, étant à Saint-Messier, tu savais que quelque chose n'allait pas. Et c'est ça qui me poussait donc à fréquenter tant de dénominations, oui. Parce que je cherchais la délivrance. Oui. J'étais même allé à la montagne de feu. Oui. Qu'on envoie le feu là-dessus. Oui. On a la façon même de prier m'a chassé là-bas, je suis seulement parti. Parce que là-bas, il n'invoque que le feu et le sang jusqu'à la fin. Bon, quand on invoquait le feu et le sang, dans cette montagne-là, tu es descendu, ça ne t'a pas calciné. Ça ne m'a rien fait. C'est où la montagne de feu? La montagne de feu et de... C'est le docteur Olokuya qui a ça. C'était à Djang. Oui. Donc, ils sont, les succèles sont partis. C'est un ministère, oui. Oui. Bon, maintenant... Ils envoient le feu. Ils envoient le feu sur quoi? En fait, là-bas, quand je suis arrivé, personne ne s'occupait même de moi. Oui. Chacun disait que prions pour nos familles, envoyons le feu contre les esprits, ancestraux contre les esprits, ceci. Oui, mais et là, tu avais problème des esprits. Pourquoi on a envoyé le feu? Donc, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Pourquoi donc? Ton feu n'était pas suffisant? Je ne sais pas. Oui. Je ne sais pas. C'est là... Oui, le feu de voisin n'a pas trouvé le... T'as pas ouvert, c'est comme pour soi. Je ne sais vraiment okay, pas. Ok, allons-y. Donc, ce qui fait donc que, étant donc là... Et rentrons dans la Mountain of Fire, c'est ça que tu as dit, la montagne de feu. Là-bas, ils n'ont pas de livres pour pouvoir faire ce genre de prières où on t'a vendu. Bon, là-bas, j'étais allé une seule fois. Oui. Mais la façon de faire les choses... Le feu t'a chassé. Découragé. Oui. Entre-temps, j'avais reçu l'un des livres du docteur Lokuyala, oui. Avec lequel je priais. Oui. Donc, là-bas, il parle des hôtels qu'il faut détruire, oui. Des liens qu'il faut couper. Tu as pratiqué ça? J'ai pratiqué, parce que quelque part, il dit que si tu es... posséder oui. Ou tu as un esprit même de paresse oui. Parce que quand ça faisait comme ça je devenais faible de plus en plus oui. Dans les études oui. Il avait dit si tu as un esprit de paresse tu prends 3 jours de jeûne oui. À sec et en faisant cette déclaration là j'ai fait cette prière rien n'avait changé tu devais trouver faible je ne savais pas ce qu'il fallait encore faire oui. Donc jusqu'à ce que je puisse donc commencer à rendre visite à cette maman qui s'occupe de la bibliothèque chrétienne de Chang. Oui. Cette maman-là, je lui rendais constamment visite. Un jour, je lui avais dit, parler de ce problème-là. Oui. Bon, selon qu'elle m'avait répondu, oui. Que en fait, quelqu'un ne peut pas aller en enfer. Bon, selon la façon de raisonner, je comprenais que elle était en train de me dire de partir. Oui. Donc, comme je lui avais expliqué mon état, oui. Donc, elle trouvait qu'il n'y avait que le Seigneur pour résoudre ce problème. Oui, donc elle n'avait pas la solution. Oui, elle n'avait pas la solution. Mm-hmm. Donc, c'est comme ça qu'elle n'était pas. Toutes les personnes que je rencontrais et qui essayaient de me parler mûrement de la parole, mm-hmm. Je lui parlais, je lui faisais état de mon problème. Tu lui exposais le problème. Pour essayer, là, c'est toujours pour essayer de chercher la solution à cela. Oui. Mm-hmm. Jusqu'à ce que je me rends compte donc que ce phénomène au niveau de Montesquieu qui bougeait. Oui. J'étais donc allé, j'ai rencontré ma cousine là, elle a fait les examens des yeux. Celle avec qui tu as fait le Chang. Oui. Elle a fait tous ses examens. Oui. Elle m'a dit qu'elle n'a rien vu. Oui. Maintenant, je suis allé dans un centre de santé aussi, oui. À Chang là, oui. Où ils reçoivent les gens, bon, ils font aussi les produits naturels. Oui. Je suis arrivé là-bas, celle-là m'a demandé où c'était 500 francs, ou c'était 2000 francs. Oui. Pour les examens. Pour la visite. Oui. Mais maintenant, quand elle m'a donc demandé, je regarde. J'avais l'argent que j'avais entre mes mains, c'était pour retourner au village. Oui. Parce que j'étais venu comme ça pour chercher la solution. Oui. Je lui ai fait état de ça. Elle m'a demandé si j'ai déjà fait les rapports sexuels avec une fille. Oui. Elle a dit que depuis que je suis né, oui. Je n'ai pas connu de fille. Oui. Elle m'a donc dit que, bon. Est-ce que j'ai eu à uriner oui. par hasard, bon, là où les gens urinent beaucoup. Je sais si peut-être c'est maladies sexuellement transmissibles, oui. MST, au-delà, oui. IST. Bon, c'est là où je lui faisais comprendre que, en fait, parlant des urines... On urine partout. On urine partout. Elle a donc dit que je vienne avec 20 000 francs. Oui. Elle devait me donner les produits qu'elle devait boire. Oui. Je lui ai dit que là où je suis là, si elle peut même me prescrire quelque chose oui. de cette... talent là que je lui ai donné. Comme ça, je pars parce que je n'ai même pas l'argent sur moi. Oui. Elle m'a donc dit qu'elle ne peut rien prescrire parce que ce que j'ai donné, ce n'est que pour la consultation. La consultation. Je suis donc rentré. En rentrant, je réfléchissais que Seigneur, qu'est-ce qui se passe au niveau, qu'est-ce qui se passe au niveau de mes testicules, qu'est-ce qui ne va pas? Oui. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est quand j'arrive donc à Sanctu. Oui. Donc ça c'est quand on a composé le bac et tout là. Oui. Voilà, j'arrive à Sanctu. Maintenant, je vois l'une des sœurs encore de la CMCI. Oui. Là où elle me fait comprendre que toutes les personnes qui vont chez la femme là, oui, quand ils vont là-bas, ils sortent de cette eau là avec un serpent. Oui. En eux. Quand elle m'a donc dit ça, j'ai compris en fait, j'ai eu peur que donc certainement c'est ça qui se manifeste à moi. Oui. Quand j'ai donc compris ça, j'ai dit que Seigneur, délivre-moi. Je ne sais pas où je vais aller. Mm. Malgré que dans la prière, je ne savais quoi faire. Oui. Mon but de venir à Douala, oui, ce n'était pas trop que je venais faire une formation en tant que tel. Tu venais pour la solution. Je venais pour la solution. Oui. J'avais le contact d'un frère. Donc là, maintenant, le bac, la nourriture de bac passe. Tu as le bac. Ou bien de ton frère, oui, de toute façon, on se retrouve déjà à Tchang où tu es censé fréquenter, tu as le bac, tu rentres au village à Sanchu et on dit qu'est-ce que tu as fait? Que ton grand frère qui te paye de la pension dit qu'il ne peut plus rien et tu es laissé à toi-même. C'est là maintenant tu vis à Douala. Oui. Quittant donc, venant à Douala, je ne sais pas où je vais vivre. Oui. Il n'y a personne chez qui je peux rester. Oui. Je fais état de ça à la maman, elle me fait comprendre que vraiment ton état là est un peu critique. Je dis que, comme tous les enfants, vous voulez que je reste ici, bon. Vous dites que vous m'avez envoyé à l'école. Laissez au moins que j'aille. Là-bas, il y a au moins les ouvertures. Je peux arriver, je trouve même quelque chose à faire comme ça, on ne sait jamais. Oui. Elle dit donc qu'elle va trouver, voir sa tante. Oui. Parce que sa tante, son mari, le mari à sa tante vivait ici à Douala, voilà, de l'autre côté de Bounabou. Et elle m'a donc confié chez le mari à sa tante là, pour que je sois là-bas. Mmh. Arrivé donc là-bas, recherche. Quand j'arrivais, je venais, celle qui vivait là-bas, en fait, la femme à cet homme-là qui vivait là, elle m'avait dit que comme tu viens là, ici c'est chacun pour soi. Donc, que tu saches comment tu vas te débrouiller. Elle dit, il n'y a pas de problème. Je suis donc arrivé, j'avais le contact d'un frère avec qui on était à Sancho, on était à CMC. Oui. Maintenant, on arrive donc ici. Il était ici avant moi. J'arrive donc, je fais signe au frère là que je suis là. Maintenant, on s'est rencontré, on a partagé. C'est là où il m'a conduit encore dans la dénomination où il était. Parce que quittant là où je vivais à Bipanda pour aller à CMCI, oui, il fallait donc, c'était en Doximbi. Oui. Oh, j'ai vu que la distance était longue. Et lui, entre temps, il n'est plus à CMCI. Lui n'est plus à la CMCI. Étant à Tchang, à Sanctu, il était à CMCI. Il quitte Sanctu maintenant. Il arrive ici. Oui. Là où il s'allie à GCM, Jesus City Mission, Mission de la Cité de Jésus. Pourquoi il a quitté la CMCI? Jérôme Ebois. Bon, il quitte la CMCI. Parce que, selon ce qu'il m'avait dit, il m'avait fait comprendre que lui, il a quitté la CMCI parce que... Je rappelle donc que nous sommes en train d'amorcer, c'est la troisième phase qui se passe à Douala. Mm-hmm. Il y a la phase de Sancho, de ton village, qui est purement le maraboutisme. Mm. Deuxième phase, le balotage entre ta personne familiale et Chang et Sancho. Mm-hmm. La troisième phase maintenant, c'est pleinement maintenant à Douala, où tu ne seras plus sur l'emprise familiale, mais purement à la recherche de la solution, des problèmes qui te causent des difficultés. Mm-hmm. Troisième phase, oui. Je lui demande donc pourquoi il n'allait plus à la CMCI. Oui. Il me fait comprendre que quand Dieu, ce n'est pas forcément dit que Dieu, quand Dieu t'appelle, c'est que tu dois forcément demeurer à tel endroit. Il peut encore permettre que tu ailles, que tu sois quelque part. Oui. Donc c'est ce qu'il m'avait dit. Mm. Et donc dit que, et là, la ligne doctrinale, l'enseignement, c'est comment? Il m'a dit que non, là il n'y a pas de problème. Mm. Quand il me parlait, donc ses pieds ne touchaient plus le sol. Parce qu'il me disait que. Donc la doctrine de confession. Oui. Parce que ce pasteur-là. Quel pasteur? Avec chez qui je. Ok. Donc en fait, sous Jérôme Ebois. Oui. Ce pasteur-là est sous Jérôme Ebois. Jérôme Ebois, c'est qui? Jérôme Ebois, en fait, c'est lui le. Qu'on appelle le surintendant. Oui. Donc, de la mission de la Cité de Jésus. Ok, mission de la Cité de Jésus, c'est une autre dénomination encore. Oui, c'est la Cité des Palmiers. Dans laquelle se dans lequel se trouve son le frère qui était jadis à CMTA. Oui. Ok, donc il est, ok, je comprends très bien. Mm-hmm. Parce que je ne sais pas. Donc il est quitté de CMCA vers Jesus Square Meeting. Il est quitté de CMCI. Oui, ici à Douala maintenant. Vers ce pasteur-là. Oui. Ce pasteur, à cette époque-là, n'est pas encore sous quelqu'un. Oui. Donc c'est bien après que. Il s'est lié à celui-là. Il s'est lié. Pourquoi? Il s'est lié à celui-là. Parce qu'à cette période où on persécutait les dénominations dehors, qui n'avaient pas d'autorisation. Lui, il voulait donc l'autorisation. Il allait se lier donc à celui-là. Il allait donc se lier à celui-là. Oui. Donc, pour que celui-là lui donne une part de son autorisation. Pour que celui-là lui donne, oui, une part de son autorisation. Oui. Tout en ne sachant pas que, à la longue, ça devait influencer sur la ligne doctrinale qu'on avait. Oui. Donc, je vais. Quand tu vas. Oui, ok, oui, vas-y. Bon. Parce que je rencontre donc ce frère. C'est là où ce que ce pasteur-là enseignait avant d'être sous la Jesus City Mission, oui. C'était l'évangile de la prospérité. Oui. Donc il puisait, il travaillait avec les rhapsodies de réalité de Pasteur Christ. Oui. Parce que lui, il avait eu à faire l'école de Pasteur Christ là. Après, oui. Il est sorti, maintenant il fonctionnait seul. Indépendant. Et donc, il allait là-bas puiser les connaissances de Pasteur Christ. Il est maintenant ouvert sa porte. En même temps qu'il soit avec les enseignements de Pasteur Christ, il fonctionnait aussi avec les enseignements de David de Yodepo, oui. De Una Chapelle. Oui. Donc il fonctionnait aussi avec les enseignements de Charles Diboué. Attends, je ne comprends pas. Il a la Bible, le pasteur là, il a la Bible. Il a la Bible. Mais il part chercher quoi donc? Il a fait l'école chez Pasteur Christ. Oui. Il a fait l'école et les Nîmes chez Charles Diboué. Les Nîmes c'est quoi? Les Nîmes, l'école d'initiation et quoi, ou c'est quoi au ministère. Donc oui. C'est comme ça. Oui. Il a eu des diplômes là-bas. Oui, il a eu un diplôme là-bas. Maintenant, il sort de là maintenant. Il a essayé de fonctionner avec Charles Diboué. Oui. Bon, ils ont eu selon qu'il nous expliquait, ils ont eu des mésententes. Bon, après, ils se sont séparés. Lui fonctionnait. Alors que c'est Charles Diboué qui l'a formé, qui a participé à sa formation. Mm-hmm. Lui fonctionnait maintenant seul. Donc, il était indépendant. Oui. Maintenant, l'évangile, le message qui avait beaucoup plus influencé le ministère là, oui. À cette période-là, c'était le message de la prospérité de Pasteur Christ. Oui. Parce que la doctrine de confession venait dire que oui. Je suis en Christ, je ne peux pas être possédé. Oui. Donc, j'ai tout pleinement en Christ. Oui. Donc il dit que habiter en moi. Je suis assis dans les lieux célestes en Christ. Oui. Donc, tout ce qui ne peut pas faire, Dieu ne peut pas me faire. Oui. Donc, voilà jusqu'où on allait blasphémer. Oui. Donc c'est ainsi donc que quand ce frère me parle, je le vois tout joyeux. Oui. Je me dis donc que c'est tellement il a trouvé la bonne voie. Mm-hmm. Quand je lui fais état de ma situation et de ce que j'ai à l'intérieur, oui. Il me fait comprendre que non, laisse, on va prier. Quand on prie avec le passé, il demande répéter après moi, on répète, je suis la tête et non la queue, je suis ceci. Toute l'assemblée répète cela. Oui, toute l'assemblée répète. Oui. Après, on est content, on se sent comme si on était dégagé. Vous exercez pas la foi. Et ce frère me disait qu'il est le seul dans le ministère là qui a compris réellement le message de la confession là. Mm. Que quand tu confesses réellement, ça marche. Oui. Donc, ce qu'un homme pense, tel un homme pense, tel il est. Oui. Donc, et que moi, je ne dois plus penser que je suis possédé. Oui. Parce que Christ m'a déjà délivré, il est mort à la croix pour ça. Et s'il lève donc moi à la croix pour ça, je ne peux plus être possédé. Oui. Tout ce que nous marchons par la foi et non par la vue. Donc il faut refuser de voir la possession. Il faut refuser de voir. Que tout ce que j'accepte, tel que j'accepte, oui. Je le serai directement. Oui, mais attends, là tu es possédé. Là, mm-hmm. Il est là, oui. Tu es possédé. Alors que il a dit que tu n'acceptes, tu refuses de ne pas possédé. Oui. Vous ne pouvez pas voir que tu es possédé. Alors que le démon est là. Mm-hmm. Donc il me dit de ne pas croire à cela. Oui. Que en fait c'est anti, donc il disait que c'est anti biblique, donc selon ce que ça va à l'encontre de l'œuvre de la croix, oui. Voilà, de Christ, c'est ce qui fait donc que j'ai adopté donc ce système. Oui. En adoptant ce système, jusque là quand je confessais devant là et en assemblée, tu entres dans la mouvance, mm-hmm. Où tu as commencé à bien t'habiller aussi. Oui, je m'habillais, puisque le frère là était l'un des leaders. Oui. Quand il t'encourageait. Quand il m'encourageait, là, on a vu mon zèle. Oui. On m'a aussi, le passé a vu que non, je persévère. Donc il m'a aussi, quand le passé venait aussi me donner les habits, parce que je ne faisais rien, j'étais aussi là, je vendais mes beignets dans le seau. ce que je gagnais, bon, il ne pouvait pas quand même acheter les costumes, les trucs avec. Oui. Maintenant, le passé venait, il me donnait les costumes, oui. il me donnait oui. les, ses pantalons avec les chaussures, mmh. les chaussures là. Mmh. Donc, il me donnait ça. Oui. Je portais, quand je portais, il me donnait les cravates. Qui te donnait? Le pasteur, donc il avait des habits. Donc, il voulait effectivement que vous vous montrez le reflet de la le gloire reflet. De Dieu à l'église. Oui. Alors mmh. que normalement, tu souffrais. Alors que je souffrais. Mmh. Donc, et cet extérieur-là oui. qui me donnait le frappe à l'œil oui, a fait en sorte que je puisse maintenant ne plus me focaliser sur le problème que j'avais à l'intérieur. Oui. Mais dans le secret, quand j'arrivais, je souffrais. Donc, alors, ça veut dire que quand tu enlèves la veste, tu te regardes dans le miroir, tu sais qu'il y a un problème. Malgré mm-hmm. que tu veux te faire comprendre que tu n'as pas de problème, tu avais des problèmes. Tu avais des problèmes. Oui. Donc, est-ce que les gens, les fidèles qui venaient à l'assemblée, qui font la même chose et qui vous voyaient comme leader, qui portent ces costumes haut de là-bas, ils peuvent vous envoyer, ils vous envient. Ils ne savent pas ce que vous souffrez. Les gens nous enviaient. Oui. Et le passé nous confiait même, il confiait même certaines brebis chez nous, mm-hmm. qu'on prenne soin de ces brebis-là. Oui. Donc, et... Tu ferais tous tes efforts pour prendre soin comme le pasteur. Je ferais tous mes efforts pour prendre soin. Aussi que la brebis venait avec ses problèmes, oui. avec la doctrine de la confession, tu devais... En te voyant rassurant, oui. la brebis devait comprendre que non, son problème sera résolu. Oui. Donc tu lui disais non, oublie, Christ a payé. Donc tu essaies de le convaincre. Donc ça veut dire qu'on agit plus peut-être sur la psychologie, alors pas sur l'esprit, alors pas voilà. avec l'esprit ni sur l'esprit. C'est sur la psychologie. Mmh. Donc quand ça s'est passé donc ainsi, oui. bien après, je me suis rendu compte que le frère là n'était pas, il n'aimait même pas la parole. Oui. Parce que quoi? Tout ce qui allait toucher la sanctification, oui. quand tu venais vers lui avec, oui. il te regardait autrement. Oui. Il essayait de prendre les passages bibliques oui. pour te convaincre que non, ce n'est pas comme ça. Oui. Donc, jusqu'à ce qu'un jour, le pasteur, ce même pasteur, oui. avant d'aller sur... Le pasteur s'est donc allié à DCM. Oui. Maintenant, les leaders ont dit que s'il parle à DCM, voilà qui condamnait bon. La dîme. Là, nous nous trouvons à la période au Cameroun où il y avait la série des fermetures des différentes dénominations dites chrétiennes qui n'étaient pas en règle avec, qui ne possédaient pas l'autorisation d'ouverture. Mm-hmm. Et là, ton pasteur, donc, de ce moment-là, se situe dans cette période-là. Oui. Il recherche des solutions pour les voies et moyens pour pouvoir maintenir sa religion, sa dénomination ouverte et en mm-hmm. étant en règle avec l'État. Mm-hmm. Là, est-ce qu'il fait une réunion avec vous pour vous en parler? Voilà, il fait une réunion avec nous, les leaders. Oui. Maintenant, il nous dit que concernant ce qui se passe dehors, oui. nous trouvons-nous pas qu'il est convenable qu'on puisse être sous Jérôme Mébois, sous le surintendant de la DCM, oui. donc Jérôme Mébois. Maintenant, les leaders, parmi les leaders, il y avait ceux qui étaient pour et d'autres qui étaient contre. Oui. Maintenant, ceux qui étaient contre disaient que si on s'alliait à lui, oui. il devait, puisque celui prêche la dîme. Oui. Or, là où le passé nous avait dit que la dîme n'était pas biblique. Donc malgré qu'il nous avait embrassé que... la doctrine du pasteur Christ, parce qu'il avait les ramassés, comme tu as dit, la oui, charge oui. du bruit, et autres. Mm-hmm. Mais jusque-là, il ne croyait pas à l'application des dîmes chez les chrétiens. Mm-hmm. Oui, et là, la discussion se trouve entre vous et lui. Entre nous et lui. Mm-hmm. Maintenant, c'est là où il nous fait comprendre que non. Le surintendant lui a rassuré que... Le surintendant, c'est qui au juste? Le surintendant, c'est en fait Jérôme Mébois. Ok, celui qui est Jérôme, JCM, comme tu dis. C'était des palmiers. Oui. Donc, c'était des palmiers. La mm-hmm. grande assemblée qui est là-bas. Mm-hmm. Donc, c'est lui maintenant. C'est notre pasteur là qui nous fait comprendre que si on va sous lui, oui. prendre l'autorisation, il ne pourra pas influencer parce qu'il était l'un de ses enseignants à l'école biblique. Qui a enseigné qui? Donc, parce que Jérôme Mébois l'a enseigné à l'école biblique. Oui. Parce qu'il a aussi fait l'école biblique... qui est là-bas, à Deido, là. Oui. Bon, je ne sais pas trop. Là où le docteur Ousmane, ou c'est quoi. Bon, je ne sais pas trop. Oui. Il a fait une école publique qui est là-bas. Mmh. Donc, il connaît Ebois, puisque Ebois mmh. était un de ses enseignants à l'école. Un de ses enseignants. Et mmh. il a vu comment lui, il brillait. Oui. Donc, et c'est lui-même lui qui a proposé que est-ce qu'il peut prendre l'autorisation chez lui. Mmh. Donc, et qu'il lui a demandé si ça va influencer sur... l'enseignement, parce qu'il a présenté l'enseignement, la ligne doctrinale qu'il a. Oui. Il a dit que non, c'est juste pour l'autorisation. Mais sans savoir qu'à la longue, donc, oui. on nous imposait maintenant les dîmes, de telle sorte qu'une partie des dîmes de l'assemblée de Bipan devait retourner là-bas. Oui. Donc, alors, on se retrouve maintenant ton pasteur dit, va voir le voisin pour ne pas qu'on ne fasse pas sa dénomination. Mm-hmm. Il cherche dans la sous-couverture. Mm-hmm. Et là maintenant, il peut voir Jérôme Bois, qui est un ancien professeur, enseignant dans un truc biblique, oui. Qui lui dit, qui lui rassure que non, sa ligne doctrine ne doit pas être influencée. Mm-hmm. Et plus tard, à la longue, vous avez vu que ça a changé drastiquement. Justement. Parce qu'il il fallait à tout prix qu'on fasse maintenant une partie de l'argent par rapport aux dîmes. Ça veut dire qu'il a vendu l'autorisation, une partie de l'autorisation, pour pouvoir avoir les dîmes alors, pour pouvoir avoir, il y avait des retombées qu'il devait aussi avoir. Voilà. Donc ça veut dire que c'est le business alors. Justement, tout ce qui se passe là dehors, c'est ce que nous voyons. Ok, maintenant, comment il a géré cela? Comment il a pu enseigner maintenant, commencer à enseigner quelque chose qu'il n'enseignait pas? Allons-y rapidement là-bas et rentrer dans ton témoignage, parce qu'il faut que c'est toi qui le. Maintenant, il arrivait qu'on a à la radio enseigné même que la dîme n'est pas pour le chrétien, que c'est sous la loi, que tous ceux qui s'agarrent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Oui. Quand il a enseigné ainsi, d'un après, quand il s'est donc allié à lui et que l'influence de la dîme prenait. L'assemblée où on la dîme, ce n'est que l'un des points. Mm-hmm. Bon, maintenant, il n'allait plus à la radio. Oui. Donc, parce qu'il savait qu'il devait dire quelque chose de contraire. Et le contraire. C'est plutôt à l'assemblée donc, que les gens venaient maintenant voir le contraire. Et les gens venaient voir le contraire. Il essayait de dire que. De transformer ça en offrande spéciale. Oui. Donc, il faisait de cette humeur. À la fin, il était encore revenu là-dessus. Oui. Parce que. J'avais entendu selon dans les conférences à la Cité des Palmiers, le Saint-Anne qui disait que tu ne peux pas être soulu et tu ne marches pas selon les règlements que lui là établi. Donc c'est ainsi. Donc lui il est surentendant, il a établi le règlement en dehors de la Bible. Oui. Donc à un moment donné, certains pasteurs le conseillaient, disant qu'il ne faut pas être rebelle. Oui. Donc c'est à cet effet-là qu'il a donc compris qu'il fallait se soumettre à l'autorité. Oui. Comme ils aiment l'habitude de prononcer. Oui, que c'est une autorité. Donc, et frère, je t'entends, n'est-ce pas? Donc, après cela, mais maintenant, ce frère-ci, qui t'avait conseillé, qui était galvanisant, il est donc parti. Parce que, étant même sous Jérôme Boissy, le pasteur-ci prenait encore les enseignements chez Dr. Sean Smith. Oui. Le message de la grâce pour la grâce, donc on a déjà été sauvé, Christ a tout accompli pour nous, on n'a rien à faire, donc, y a pas donc on ne prêche pas sur la sanctification. Oui. Quand le frère a donc écouté ça, ça l'a attiré, il a vu que non, il a dit que c'est ça qu'il fallait. Oui. Donc, c'est le pasteur là qui allait prendre ça là-bas, prendre ça, venir maintenant. Et le frère a directement, quand le pasteur prononçait trop le nom de ce docteur Sean là, et comme le frère avait l'habitude de l'écouter à la radio, il s'est une fois, il m'a dit ouvertement que gars, je vais aller à la source. Oui. Donc il partait. Au lieu d'entendre le message en différé. Oui. Il partait maintenant là-bas puiser. Oui. Il venait m'exhorter. Mais ça n'entrait pas. Il y avait parmi nous les leaders trois personnes. Oui. Il y avait un frère qui s'appelait Séverin. On s'est rassemblés une fois, on a dit au passé que l'enseignement-ci là, ça ne donne pas. Oui. Comment on peut enseigner on peut dire à quelqu'un que puisque tu as déjà été. Tu es déjà sauvé par la grâce, tu peux vivre n'importe comment. Voilà que les sœurs et certains frères sont allés tomber dans la débauche, l'impudicité. C'est comme ça que le ministère a été bouleversé le temps là, jusqu'à les gens. Donc, même les païens parlaient d'ailleurs que regardez ceux qui vont aller, regardez comment les gens s'habillent. Oui. Donc, la façon de se vêtir, tout avait complètement changé. Et celui qui t'a amené donc, là-bas, qui était à la CMC, on connaît la rigueur du professeur Zakaré Tani Fomom par rapport à l'habillement de la femme. On connaît cette rigueur-là. Mm-hmm. Quand il voyait donc comme ça, il se disait que le Zakaré Tani Fomom s'était trompé ou bien comment, ou bien ce n'est qu'un tremblement pour passer. Justement, pour lui, ça ne lui disait rien. Mm-hmm. Parce qu'il n'aimait pas trop le côté sanctification dans la parole. Donc, ce qui fait donc, ça, le tout ce qui frappait bien à son entendement là et qui allait avec ses gesticulations, il prenait. Et jusqu'aujourd'hui, il est chez Dr. Sean. Oui. Une fois, il m'avait invité là-bas. Oui. J'étais allé, je m'étais assis. Oui. Quand il a fini de parler, j'ai senti que non, ça là, ce n'est pas de Dieu. Oui. Donc je lui ai dit ouvertement. Mais comment tu peux dire qu'un docteur ne vient pas de Dieu? Qu'un docteur comme Sean, comme ça, qui parle, les gens l'écoutent, il est bien frais, bien habillé. Parce que tout ce qu'il dit, dans tout ce qu'il dit, il y a beaucoup de philosophie. Oui. Et quand il prend un passage biblique, il faut, si vous n'êtes pas, vous n'avez pas le discernement, vous n'allez pas comprendre que en fait, là où il veut en venir, c'est pour dire que le chrétien doit vivre n'importe comment. Oui. Et il y a même les passages bibliques qui contredisent en fait ce qu'il dit. Parce que si on entre dans Tite, oui. Là, ça contredit toute sa doctrine. Ok, donc ça règle le problème. Ça c'est une autre histoire. Donc, nous sommes donc avec ton pasteur, là, il revient avec le message de la dîme. Et entre-temps, il combine ça avec la confession de la foi. De la foi. Et toi, tu es à l'intérieur, tu en es souffrir. Comment tu fais pour te sortir de la solution? Parce que c'est sur ton problème de délivrance qu'il faut qu'on touche. J'ai vu maintenant que sa femme, la femme du passé, était l'une des personnes qui avait, par le passé, selon son témoignage qu'elle m'avait donné, subi ces mêmes... comme sa maman pratiquait aussi ces choses-là. Et qu'elle avait aussi eu cela. Et elle me disait que ça, le Seigneur l'avait délivré. Mais elle ne t'a pas dit comment il a été délivré? Oui. Elle ne m'a pas... Bon, en fait, elle ne m'a pas donné ce côté-là. Oui. Maintenant, je me suis donc... Elle était l'une des personnes mieux placées pour que moi, je me rapproche vers elle pour lui expliquer également. Quand je lui ai donc expliqué, elle m'a dit qu'on devait prendre un programme de jeûne. Oui. Durant le jeûne de 21 jours qu'on avait... Mais là, je ne comprends pas. Si Christ a tout accompli, si on est sous la grâce, pourquoi eux également là-bas qui confessent ces choses avec les vestes, là, jeûnent encore? Justement. Ce n'est pas un paradoxe. Ce frère-ci. Hein? C'est pas un paradoxe. C'est justement ça. Oui. Parce que ce frère-ci quitte même ici-là. Oui. Par temps chez Dr. Sean, parce que chez Dr. Sean, on dit qu'on ne gêne plus. Oui. Donc, on ne gêne plus, le chrétien ne doit plus rien faire. Donc, c'est pour cela, donc, quand on organisait donc, les jeûnes ici, il était contre ça. Oui, il fuyait, il partait. Il partait de l'autre côté. Donc, ce qui fait donc. Et entre-temps, la femme de ce pasteur, c'est jeune. Et avec le pasteur aussi, elle est jeune l'assemblée. Parce qu'elle était déjà. Et jeune, ils ne vivent pas dans la sanctification. Pardon? Et jeune, ils ne vivent pas dans la sanctification. Il n'y a pas de vie de sanctification. Oui. Maintenant, ce qui fait donc, on jeûne, on vient déclarer les paroles, on déclare les paroles de prospérité, on vient déclarer. On chasse, on détruit les hôtels sataniques au village, c'est tout ce qu'on pouvait faire. Attends. On dit les combats spirituels. Donc finalement, en fait, c'est un mélange alors. C'est un mélange. Comme s'il y a l'écumulisme entre les religions, c'est un mélange des doctrines conflictuelles dans l'esprit. Oui. Donc c'est justement ça. Oui. Et en plus maintenant, quand j'ai donc fait état de ça à la femme du pasteur, on a pris ce programme-là. De 21 jours de jeûne. 21 jours de jeûne. Maintenant. Son mari était au courant. Son mari était au courant. Bon, on priait constamment, on priait. Il y avait des jours que j'allais à la maison, je passais nuit chez le pasteur. On partageait la dévotion matinale comme on avait l'habitude de faire. Après cela, maintenant, je rentrais. Mais après ces 21 jours de jeûne, je m'étais rendu compte que plus la voix de cet esprit à moi commençait maintenant à me parler. Oui. Donc cette voix-là, cet esprit-là me parlait maintenant. Oui. Et me suggérait parfois même des programmes de jeûne aussi. Oui. Donc, tu jeûnais. Je jeûnais, c'était maintenant à moi, je jeûnais parfois deux fois par semaine. Bon, alors, permets-moi de poser une question. Là, tu es à l'Assemblée, tu es l'un des leaders. Et l'un des leaders, c'est que vous avez des responsabilités vis-à-vis des âmes qui se trouvent là-bas, selon les dénominations. La deuxième chose, c'est que le pasteur dit que, confesse que c'est pas possible que le démon habite dans un corps, vous êtes en crise, ainsi de suite. Mais tu sais que tu as des problèmes. Et là, comment tu manifestes ton ministère dans l'Assemblée? Comment tu exerces là? Bon, dans l'Assemblée, j'essaie comment? À un moment donné, le pasteur croyait, puisque selon le témoignage que sa femme lui avait donné, que moi, puisque elle avait les dons, ces dons de prophétie-là, elle lui disait qu'elle priait avec moi et que j'ai manifesté aussi cela. Que tu as le même don de prophétie. Que j'ai le même don. Sur quoi c'est basé? Pendant les 21 jours, vous avez prié, tu as manifesté quoi? Bon, durant les 21 jours, parce que quand j'étais arrivé à l'Assemblée un jour, il y avait les enfants du passé de l'autre côté qui s'amusaient. Je me suis prosterné, je priais. Le jour-là, je demandais le don d'interpréter les langues. Quand je priais donc... Tu demandais le don d'interpréter les langues, sachant que tu étais possédé. Oui, sachant que j'étais possédé. Et c'est ça le vrai problème. Entre-temps, depuis ce temps-là, tu priais encore en langue. Je priais en langue et je demandais maintenant le don d'interpréter ce sachant que je disais. Sachant qu'il y a un être en toi qui habite. Oui, avançons. Maintenant, en priant donc ainsi... C'est ainsi donc que je me suis mis encore à parler fortement en langue. Oui. Maintenant, une parole encore est sortie en français. Oui. Donc, pour dire que c'était l'interprétation. Et cette parole disait que j'ai reçu. Oui. Donc, j'ai noté donc, le soir, j'ai donné ça au pasteur. Oui. Il a donc lu ça à l'assemblée. Il a donc dit que, en fait, voici notre frère que le Seigneur lui donne les messages depuis un certain temps. Oui. Ce qui fait que quand il s'agissait des sessions de délivrance, j'étais parmi, donc avec le pasteur, on était là, il fallait qu'on intervienne. Donc selon... Jusque-là, ça me pose encore un problème. Ça, nous se retrouvons dans un ministère entre guillemets, où on prend la confession de la foi. Oui. Pourquoi délivrer-t-il encore? Ou bien pourquoi l'exercice le délivre pour chasser les démons alors qu'il faut confesser tout simplement que Christ a tout payé, ainsi de suite? C'est justement ça qui causait problème. Et puis certains leaders sont venus pour essayer de le ramener que mais comment on peut enseigner quelque chose, on peut faire le contraire sur le terrain. Voilà. C'est là où donc maintenant, ils taxaient tous ceux-là de rebelles. Oui. Donc c'est ça qui a parce donc fait que... Parce qu'en réalité, ça ne pas avec la confession de la foi. C'est ça qui a donc fait que plusieurs ont quitté. Oui. Plusieurs sont partis. Donc, plusieurs ont quitté le ministère, ils sont partis. Il est venu dire à l'Assemblée qu'ils sont rebelles. Qu'ils sont rebelles. Mm-hmm. Il y avait un autre frère au Célin. Oui. Puisqu'il avait eu certainement à rencontrer les frères qui... Donc, on lui avait certainement parlé des dénominations et autres. Oui. Et ce message qu'il avait épousé donc, oui, de l'église... Oui. Proprement dit, quand il est venu à l'assemblée avec, oui, le pasteur a farouchement contredit ça. Oui. Il a chassé et a dit aux frères que c'est un faux frère. Oui. Donc jusqu'aujourd'hui, c'est quand je suis, le Seigneur m'a fait garde de sortir des dénominations que j'ai en fait compris que ce frère-là, oui, était sur les voies du Seigneur. Oui. Oui. Bon, maintenant, il y a des cas de délivrance, tu es invité. Mm-hmm. Et là, tu prophétises. Donc, je suis invité. Je prophétise. Il arrivait même que les dimanches, parfois, j'arrivais à l'assemblée. J'imposais les mains. Donc, quand l'esprit là me disait, lève-toi, va au fond. Oui. C'est ce que. Donc, je ne suivais que l'ordre. Oui. Parfois, je disais que non, je veux partir comment? Oui. Voir l'homme de Dieu qui est en train de parler. Maintenant, après, je vois comment il y a un peu de calme, du silence. Je pars donc, je me mets. Quand tu parles, le pasteur de voir, il sait que tu es là. Il sait que je suis en train. Je pars maintenant. Maintenant, lui-même, il ne parle plus. Oui. Il baisse le micro. Oui. Maintenant, il attend. L'attention des gens est en fait focalisée sur moi. Maintenant, il y avait des. Et l'une des choses, l'un des signes, oui, que en fait, j'ai compris que ce n'était pas l'Esprit du Seigneur, c'est, oui, que j'ai eu un jour à imposer les mains sur la tête d'une femme, oui, disant que, en fait, cet esprit-là dit que je te consacre apôtre, je te consacre ceci. Mm-hmm. C'est quand maintenant, j'ai écouté les enseignements, oui, que je me suis. Et quand on fait je me suis rappelé que en fait, le Seigneur, il a déjà donné le commandement qui ne permet pas à la femme d'enseigner. Oui. J'ai donc compris que c'était d'abord l'un des premiers grands signes, oui, qui m'ont fait comprendre que en fait, voilà l'esprit de l'erreur. Et là, revenons sur ce cas-là. Quand tu imposes les mains sur cette femme, tu dis que je te conseille à ce point. Quelle est sa réaction, de la réaction de son corps? Voilà. Quand j'imposais donc les mains ainsi, donc elle manifestait, oui, un certain truc. Oui. C'est bien après que le pasteur m'a dit de ne plus imposer les mains sur la tête des gens. Oui. Que si je veux parler, je parle simplement. Que je n'impose plus les mains. Bon, non, restons sur cette femme. Mm-hmm. Elle vibrait. Elle vibrait. Elle faisait quoi? Donc, il y avait certaines personnes sur qui, quand j'imposais les mains, oui, elles se mettaient à parler directement. Oui, elle disait quoi? En langue là. Langue, oui. Donc, elle parlait directement. Mm-hmm. Et parfois, quand elle parlait comme ça, de l'autre côté, la femme du pasteur, elle... Donc, comme une interprétation. Oui. Et parfois. Par exemple, donne un exemple de l'interprétation. Comme celle-là, parler comme ça, là, quand tu imposes les mains, que voici, tu es apôtre désormais. Voilà. Qu'est-ce qu'elle disait, hein, la femme du pasteur, pour interpréter ce que celle-là dit? Bon, elle interprète. Parfois, elle interprète, ça ne va pas dans le même cadre. Oui. Parfois, elle peut dire que je suis le Seigneur, elle est en train de dire que je suis le Seigneur, je suis au milieu de vous. Donc, elle dit les choses comme ça. Parfois, quand elle parlait aussi, oui, moi de mon côté, ça t'étonnait. Ça m'étonnait. Bon, moi, j'ai interprété aussi ce qu'elle disait parfois en langue. Oui. Et l'une des choses, c'est que quand la femme du passé commençait directement à parler, ça déclenchait en moi. Oui. Quand parfois c'est moi qui commençais, ça déclenchait en elle. Donc ça veut dire que ça avait aussi surpris les gens. Oui. Et certains frères venaient même déjà me voir pour dire que il y a un frère là, comme il aimait aussi trop la parole, oui, il me taquinait un peu. Il disait que, mais frère William, toi tu vois que dans ce que tu fais là, c'est écrit où? Quelque part, c'est écrit où? Quand il disait comme ça, parfois bon, ça me frustrait. Oui. Mais ça me frustrait. Oui, mais tu me prends autrement, puisque tu entends la, oui, voix et tu obéissais. Oui. Oui, et les femmes que tu as consacrées à Paul, finalement, elles faisaient quoi comme travail? C'est là que j'avais consacré, l'esprit l'a consacré à Paul. Oui. Donc, on ne sait même plus ce que sa vie était devenue. Oui. Elle était tombée dehors, elle est devenue jusqu'à ce que le passé m'a appelé un jour, il m'a dit que. Ton apôtre là, il allait dans le monde. Ne consacre plus, donc que ne parle, même si le Seigneur te donne un message. Tu donnes ça, mm-hmm, on va examiner. Examiner. Oui. Voilà, la Bible dit d'examiner toutes choses. Oui. Il ne voulait pas te frustrer. Il ne voulait pas me frustrer. Donc le pasteur savait que quelque chose n'allait pas. Il savait que quelque chose n'allait pas. Et si quelque chose n'allait pas, ça veut dire qu'avec sa femme, ça n'allait pas non plus. Avec sa femme, ça n'allait pas. Est-ce qu'il y a eu des... Et même les enfants à la maison savaient. Oui. Et c'est un frère de l'assemblée qui arrivait, il n'avait pas où habiter, il vivait chez lui. Il savait que c'est un frère même. Même le frère au soleil là, que je disais, il avait dit un jour au passé que sa femme a besoin de la délivrance. Quand il a donc dit ça, c'est ça qui avait irrité encore. C'est la goutte d'eau qui a fait le vase. Et ça a fait que sa femme pleurait constamment chez elle. Et ça fait, et quand elle cet esprit-là cherchait, tu vois, à prendre autorité sur le pasteur et à dominer l'église. Parfois, c'est elle qui prenait les choses en main. Oui. Parce qu'on ne le voyait plus. C'est elle qui vient, elle organise la chorale, elle organise les choses. Pourtant, aujourd'hui, on a consacré tel frère que bon, c'est toi qui organise la chorale. Avant de voir, on ne sait pas comment elle s'est infiltrée. Elle a mis le frère de côté, on ne sait pas comment. Oui. Mais et que c'est elle qui est déjà devant, elle fait les choses. Oui. Donc, et son mari, elle faisait comment pour résoudre cela? Son mari nous avait dit un jour au leader que vous savez qu'il y a des choses de la famille comme ça, on traite avec sagesse. Que les choses comme ça, on traite avec sagesse. Oui. Surtout que ça touche sa femme et son foyer. Oui. Donc si on traite ça un jar, donc ça peut infecter, ça peut faire que... En voulant peut-être partir, on détruit plutôt. Oui. Donc, quand il nous a parlé comme ça, un frère a dit que non. Oui. Ici, là, quand nous sommes déjà ici, ça concerne le Seigneur, ça ne concerne plus la famille ou quoi que donc, ce soit. Donc, que le pasteur laisse ça. Ici, qui laisse ça, ça. Quand le frère a donc dit ça, le jour-là, la femme du pasteur était là. Oui. Quand le frère a dit donc ça, après quelques jours ou quelques semaines, sa réaction vis-à-vis du frère-là va changer. Oui. Parce qu'elle doit considérer le frère-là comme... Donc, intrus. Comme un intrus, oui. Donc comme quelqu'un qui ne mérite pas être là. Oui. Et ce qui fait que, pour finir, ces frères comme ça finissent toujours par partir. Oui. Parce qu'on les méprise. Oui. Donc, parce qu'ils disent la vérité, on rejette. Oui. Maintenant, quand c'est arrivé jusqu'où je recevais même les prophéties concernant une femme que je devais un jour épouser, jusqu'à... Je recevais même le nom de la personne. Oui. Et puis... Donc, ça veut dire que tu existais dans le ministère prophétique. Est-ce qu'on t'appelait prophète alors là-bas? À un moment donné, oui. Tous les frères, toutes les sœurs, ils m'appelaient que prophète, prophète. À un moment donné, je fuyais. Ils disaient que je ne veux plus qu'on m'appelle comme ça. Maintenant, à un moment donné, il y a une sœur qui était dans le ministère. Tous ces problèmes maintenant, elle venait que me voir. Elle venait me consulter. Oui. Donc, certaines personnes... Et tu lui donnais les solutions? En fait, quand elle venait... Parfois, je trouvais que ici, là, je n'ai rien reçu. Oui. Je lui dis que je n'ai rien reçu. Mmh. Parfois, elle se fâche. Oui. Elle dit que, mais tu comment devais me dire quelque chose. Que tu devais me dire quelque chose. Et ça a fait en sorte que le passé était au courant. Oui. Il m'a donc dit de ne plus recevoir les gens. Oui. C'est comme ça que j'avais donc laissé. Et dès lors, avec toutes ces choses qui se sont passées, j'ai donc eu à dire que tout ce que je reçois, je ne dis plus à... Je ne dirai plus à personne jusqu'au jour où... Jusque-là, et c'est ça le vrai problème, jusque-là, tu es sûr que c'est le Saint-Esprit. Jusque-là, j'étais sûr que c'était le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit que tu as reçu à Sanjo. Et entre-temps, tu sais qu'il y a un problème. Et entre-temps, au fond, je sais qu'il y a un problème. Il y a un problème. Je sais qu'il y a un problème. Parce que plusieurs, même des choses, certaines choses... Est-ce qu'à l'issue des cultes, par exemple, tu rentres, tu étais en paix à la maison, quand tu dormais peut-être dans la méditation? Quand je rentrais, il y avait toujours... ce phénomène-là à l'intérieur. Oui, des questionnements. Des questionnements. Et je me disais que, bon, si je n'ai pas pu trouver la solution dans cette dénomination que j'ai fréquentée, je ne sais pas si un jour je trouverai alors la solution ou bien c'est alors le Seigneur et puis... Donc, quelque chose me disait que non, ça ne peut pas être le Seigneur. Le Seigneur ne peut pas agir ainsi. Est-ce que Dieu peut dire quelque chose et dans la parole et faire le contraire? Donc, c'est ça qui m'inquiétait. Donc, dans cet événement-là, y a-t-il des choses où tu t'as montré clairement, avec certitude, que les professeurs étaient fausses et ça ne venait pas de Dieu dans ce ministère-là? Dans ce ministère? Oui. Donc, quand tu exerçais, quand cette voix te parlait, y a-t-il des choses que t'ont poussé à considérer vraiment que là, vraiment, j'en ai ras le bol, ça ne vient pas de Dieu? Vraiment. Parce que quoi, il y a des choses que j'ai reçues. Oui. Par exemple, une fois... Il était arrivé à la convention à la cité des Palmiers. Oui. Bon, avant même que cet homme de Dieu ne vienne parler me disant que je vais faire un voyage à l'étranger, déjà que la voix là m'avait dit à l'avance que tout ce qu'on va te dire là-bas, considère, ça vient de moi. Maintenant, quand il m'a... Là, ça pose problème. Oui. Ça, c'est une convention à quelle cité? Tu parles de quelle cité là? À la cité des Palmiers. Il y a quoi à la cité des Palmiers? Votre église se trouve à la cité des Palmiers? La grande assemblée est okay. là-bas. Là où ce pasteur-là était allé s'allier. Mm-hmm. Okay. Là, se trouve, donc, ça veut dire, là où il allait prendre l'autorisation. Mm-hmm. Il y a une convention donc, là-bas. Oui. Et vous, et vous, tous les leaders, les annexes, les annexes, okay, tous ceux qui ont pris son autorisation et qui sont là, les oui. petits, les, oui, sont donc réunis là-bas. Mm-hmm. Et là, maintenant, il y a des hommes dits des dieux qui sont sortis de l'extérieur, de l'étranger. Et entre temps, donc, cette voix qui te parle te dit que quand tu vas aller là-bas, qu'on va, tout ce qu'on va te dire là-bas, c'est de lui. Mm-hmm. Tout ce considérer. Que l'homme de Dieu là, oui. qui est venu, oui. va dire. C'était quand même de Dieu. Il s'appelle en fait le docteur. Le docteur. Bon, continuons. Bon. Il est venu de l'extérieur. Il est de quelle nationalité? Il est anglais. C'est un anglais. Oui. Oui, donc, il est venu, il a prophétisé sur toi là-bas. Mm-hmm. Tu étais dans la foule? J'étais, oui, dans la salle aussi comme les autres. Oui. Il est venu vers toi? Donc, lui, il était là-bas, il m'a pointé. À l'estrade? Oui, il m'a pointé. Oui. Bon, je ne savais pas que c'était moi. Oui. Les gens sont des gens autour de moi qui m'ont fait comprendre qu'en fait, c'est toi. C'est de toi qu'il est question là-bas. Tu t'es levé? Je me suis levé. Oui, il m'a dit d'approcher. Oui. J'arrive donc devant, oui. le surintendant était là, donc il était là près de lui, oui. tout près de lui. Et puis quand il parlait donc en anglais, maintenant il y avait quelqu'un qui traduisait. Oui. Donc il y avait un passé là qui traduisait. Oui. Maintenant j'écoutais ce qu'il disait. Oui. Donc quand il a dit ces choses, maintenant... Qu'est-ce qu'il a dit? Quel était le message de cette... En fait, il m'a dit qu'il y a des choses que le Seigneur a engagé faire dans ma vie. Oui. Donc, je ne suis même pas au courant. Oui. Et que d'ici peu de temps, oui. cela va se manifester. Oui. Il dit que l'une de ces choses, c'est que, par exemple, le voyage, parlant du voyage à l'étranger. Oui. Donc, il m'a fait comprendre que je voyagerai à l'étranger. Oui. Mais que je ne me pose pas la question de savoir comment ça va se passer. Parce que les voies du Seigneur, on ne peut pas sonder. Oui. Donc quand il m'a donc dit ça, oui. il dit que concernant ma famille, oui. que je ne m'inquiète plus pour ma famille, que oui. c'est le Seigneur qui prend soin de ma famille. Parce qu'à ce moment-là, je m'inquiétais que Seigneur, qu'est-ce que je suis le seul qui a eu le bac dans la famille, qu'est-ce que la famille devient avec tout ce qu'on a eu à subir. Oui. Bon, quand il m'a donc dit ça, cela m'a rassuré donc que c'est que cette vrai. Voix-là m'a dit oui. était vrai. Bon, donc ça veut dire qu'avant de revenir à la convention, la voix qui te parle en toi t'avait dit quelque chose. Qu'est-ce que tu as dit? La voix m'a dit mm-hmm. que tout ce que tu vas arriver, mm-hmm. cet homme de Dieu va te dire, oui. est vrai. Oui. Donc il faut considérer. Oui. Et quand il finit de parler, oui. j'arrive pour m'asseoir, oui. cette voix-là me rassure encore. Oui. Donc c'est ça le message dont. Qui parlait. Parlait. Oui. Donc, et cette voix. Et là, dans cette conversion, personne ne détecte qu'il y a un esprit qui ne va pas en toi. Personne ne détecte. Même pas celui-là qui est venu. Pas celui-là qui est venu. Oui. Mais il était donc quand même le et message. Il a mis l'huile, voilà, il a mis l'huile d'onction là sur moi. Qui est le pasteur là? Oui, le pasteur là. Disant que l'esprit qui était sur David. Oui. Voilà, que cet esprit, que c'est l'esprit de David. Donc, en fait, l'onction de David repose sur moi. Bon, alors, c'est pose ce qu'il avait dit. Ça, l'esprit qui était sur David, c'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint. Ok. Toi, tu as refusé déjà ta part à Sanjo. Mm-hmm. Et ici, maintenant, il faut noter. Ça fait deux esprits. Deux esprits saints. Donc, l'Esprit Saint de Sanjo et l'Esprit de David. Que David, quand tu as comme ça, continue. Et quand ils mettent comme ça, tu as une manifestation, tu ressens quelque chose, des sensations, ou bien tu es là, calme. Quand il imposait la main sur moi, oui. donc je sentais cette vibration-là encore, oui, oui. comme souvent. Mm. Oui. Après, il a prié pour moi, je suis allé m'asseoir. Oui. Les gens te regardaient maintenant pour dire que. Les gens me regardaient. Oui. Plusieurs personnes me fixaient. Oui, pour dire que quel est cet enfant. Oui. Quand quelqu'un grâce. A la grâce pour qu'on parle dans sa vie comme ça, encore ici, c'est que vraiment. C'est que c'est fort. C'est que Dieu t'a vraiment localisé. Quand le pasteur a vu là, oui. donc après le surintendant, ils ont parlé de moi. Oui. Donc, avec son pasteur. Oui. Avec le pasteur, ton pasteur qui est son succès. Oui. oui. Donc. Ça a encore reçu le blason et la relation entre les deux pasteurs. Oui, les deux pasteurs. Oui. Et le pasteur lui faisait comprendre donc qu'il a. Donc, il sait que j'ai l'appel d'épuis. Oui. Donc, quand j'aille donc m'asseoir, oui. maintenant, cette voix-là accentue encore plus en me donnant même la date. Oui. La date oui. que je vais voyager. Oui. Voilà. Là, cette conférence se passe en quelle année? Cette conférence, exactement, c'est en 2014. 2014. 2014. Oui. Et maintenant, la voix, la fin 2014, donc oui. la voix me dit que j'irai en mars 2015. Mars 2015. Donc, précise bien, en mars 2015. Tu as écrit. J'ai écrit. Oui. Arrivé donc à la maison. Et là, tu étais content. J'étais content. Mmh. Maintenant, j'étais content. Mais quand la voix te disait comme ça, tu ne disais pas souvent merci Seigneur. En fait, le jour-là, oui. Tout ce que j'avais fait quand j'étais rentré, oui. c'était de rendre grâce à Dieu. Oui. J'ai passé toute la nuit à rendre grâce. Je disais même à mon frère là qui était parti là. Celui qui est parti chez Dr. Sean là. Oui, quand il m'a donc posé la question que mais nous sommes là depuis non, tu vas partir me laisser. Il dit que entre dans le secret, tu écoutes ce que le Père va dire aussi pour moi. Mmh. C'est maintenant donc que entrant dans le secret, oui. j'ai encore eu une confusion puisque au départ cette voix m'avait dit que j'irais seul. Oui. Maintenant bien après la voix me dit que j'irai avec lui. Oui. Donc c'est là où j'ai commencé à me poser les questions que mais. Bah, quand tu entends le secret, qu'est-ce que tu prêtes? Tu dis Seigneur. Il dit que Seigneur. Comme tu m'as dit. Donc tu disais que c'est le Seigneur qui a dit. Là, oui. tu croyais que c'est le Seigneur, oui. Je croyais que c'est le Seigneur. Comme tu m'as dit que je dois partir là. Oui. Bon, est-ce que j'irai réellement seul comme tu as dit ou bien je dois aller avec quelqu'un d'autre? Oui. C'est là où la voix là me dit que, en fait... Tu entends ça en toi, dans tes oreilles ou comment? C'est en moi que ça parlait. Oui, comme... Oui. Oui. Donc c'est en moi que ça parlait. Maintenant, après, j'ai dit au frère... Là, je sais pourquoi tu ris. Frère, je pourquoi non, tu à la fin, il y a des choses que j'ai remarqué tellement. Ok. Je n'ai pas donc dit au frère oui. que... Tu vas voyager. Et comme il est gesticulant... Le feu vert est sorti donc, que nous irions ensemble. Il a sauté. Il a sauté. Oui. Il dit qu'il était content. Maintenant, chaque jour, c'est lui qui me disait que allons prier. Pour rendre grâce au Seigneur pour ça. Et là, vous êtes dans deux assemblées différentes. Oui, nous sommes. Tu es venu le voir là-bas, il t'a laissé là-bas, il a laissé Sean. Il t'a encore mis là-bas, tu as dit non, il reste ici. Oui. Donc, entre-temps, donc. Bon, permets-moi. Ce 15 mars 2015 de ton voyage, tu as dit ça à ta femme de le faire de ton pasteur, à ton pasteur par rapport à cela. Parce que normalement, à l'issue de la convention, vous devez causer par rapport au bilan. Oui, justement, on avait causé. Il m'a même encore demandé de lui rappeler ce que le message qui est sorti pour moi. Oui. Je lui ai rappelé ça point par point. Donc, point par point. Oui. Maintenant, c'est là où, pour le voyage, oui. le côté du voyage, oui. il n'était pas content parce que... Il savait que je devais le quitter. Que je devais le quitter. Oui. Donc, il souhaitait que tu ne partes pas. Que je ne parte pas. Maintenant, il a pris sa... Un jour, il a dit que bon, ah, si c'est la volonté de Dieu, gloire à Dieu. Maintenant, bien après, la voix... Et sa femme a dit quoi? Et sa femme, en fait, de son côté aussi, n'était pas d'accord que je quitte. Et elle était aussi à la convention? Sa femme n'était pas à la convention. Quand il y a des jours qu'elle ne venait pas, des jours qu'elle venait, le premier jour, le jour-là, elle n'était pas là. Oui. Maintenant, quand elle avait donc écouté à la maison que le message est sorti pour moi, bon, elle voulait aussi écouter de quoi est-ce qu'il s'agissait. De quoi est-ce qu'il s'agissait. Donc, maintenant, quand j'ai donc expliqué au pasteur, c'est là où il me fait comme. C'est là où, bon, en fait, n'étant pas très d'accord pour ça. Oui. Et puis maintenant, la voix là, de temps en temps, m'a même dit de faire part de ça à la maman au village. Oui. Donc, et de lui dire la date. Donc, c'est la voix qui te donne instruction que tu appelles ta maman au village oui. et tu lui dis que tu vas voyager et que tu lui donnes la date qu'elle t'a donnée. Oui. Maintenant, ce que nous racontons là, ce n'est pas dans le rêve que tu reçois la voix. Ce n'est pas dans le rêve. C'est dans le physique, c'est-à-dire quand tu es conscient, quand tu es en train de marcher, quand tu es en train de vivre comme ça, que la voix te donne les instructions et dans les prières. Et tu es en train de prier et tu es sérieux avec Dieu, tu aimes le Seigneur, tu vis dans la sanctification. Oui, avançons. Voilà. Donc, à ce moment-là, quand la voix me parlait, j'essayais encore d'écouter mieux pour savoir si c'est la même voix. Oui. Donc, quand la voix m'a donc dit d'annoncer à la maman, oui. j'ai donc pris un temps pour encore plus et savoir si c'est réellement sa volonté, la volonté du Seigneur. Oui, mais attends, il t'a parlé, tu as entendu? Il a entendu. Mais tu peux encore prier encore pour savoir si c'est sa volonté comment? Qu'est-ce qui te poussait? En fait, ce qui me poussait, c'est que parce que le pasteur avait l'habitude de nous dire que le domaine de prophétie, c'est un domaine très délicat. Oui. Tu peux entendre une voix qui vient de Dieu, après tu entends une autre qui ne vient pas de Dieu. Oui. Donc quand il m'a donc dit ça, il m'a dit de prendre beaucoup il arrivait de temps. Que le pasteur lui-même prophétisait. Lui ne prophétisait pas. Oui. Lui ne prophétisait pas. Donc il m'a donc dit de prendre assez de temps pour examiner ce que je reçois. Oui. C'est alors donc, après que, quand cette voix-là m'a parlé, donc j'étais encore là en train d'examiner. Maintenant, pendant que j'examinais, je demandais encore, Seigneur, est-ce le moment pour que je puisse déjà dire à la maman, la voix m'a donné le feu vert. J'ai donc appelé la maman pour lui dire. Elle m'a dit que le voyage s'est quand. Je lui ai dit en mars. Oui. Bon, j'ai gardé la date du jour. Qui était le 15. Oui, j'ai gardé. Maintenant, elle a dit que donc, dès que le moment est proche, je viens quand même là-bas, on s'assoit, on cause avant que je quitte. Là, en disant à ta maman, tu lui as dit que c'est Dieu qui a dit. En disant à la maman, je lui ai fait comprendre. En fait, je lui ai dit que le Seigneur m'a ouvert une porte. Oui. Et je crois que d'ici peu de temps, il va aller à l'extérieur. Mm-hmm. Heureusement que tu n'as pas dit que c'est Dieu qui a dit. Heureusement. Donc, si ça, ta maman devait dire qu'on t'avait dit vrai pour le sel, la secte, voilà ça. Il dit que. Donc, voilà ce qui s'est passé. Vraiment. Oui. Mm-hmm. Donc, voilà ce qui s'est passé. Et le 15 est arrivé, donc, le 15 mars 2015. Quand le 15 était même déjà proche. Oui. Donc, vers les 10 comme ça. Oui. Mais je me posais les questions que Seigneur. Ça s'est passé comment? Et vers les 10 comme ça, la voix là me donnait plutôt autre prophétie. Oui. Donc, ce n'était plus trop le voyage. C'était maintenant par rapport à celle-là que je devais épouser un jour. Donc, oui. La voix accentuait beaucoup plus là-bas. Oui. Maintenant, quand... Et entre-temps, pose la question. Pendant que tu étais dans cette dimension, c'est comment étaient tes rêves? Bon. Étant dans cette dénomination, les rêves au niveau de l'eau, je n'expérimentais plus. Oui. Maintenant, au niveau des repas nocturnes, oui. Ça pouvait venir, ça fait 3 semaines, ça fait 1 mois. Mais ça t'était toujours là. C'était toujours là. Oui. Donc, ça ne te dérangeait pas? Vu que ce n'était plus trop récurrent, ça ne te dérangeait pas? Entre-temps, en fait, ça me dérangeait. Je savais que ce n'était pas normal. Mmh. Mais un jour, le pasteur prêchait pour ça. Il disait en fait que ce sont des attaques spirituelles qu'on vient la nuit avec. Et dans la doctrine de confession, il nous avait été dit que, selon que parce que Christ enseignait aussi, oui. Il nous avait été dit que quand tu te retrouves en train de manger dans le repas, oui. Tu te lèves, tu rends grâce à Dieu. Oui. Parce que c'est que même si c'est un repas, donc un mauvais repas empoisonné, Dieu peut transformer. Tu demandes au Seigneur de faire en cela des vitamines, oui. Pour ton corps. Donc, quand on disait comme ça... En fin de compte, on admet tout simplement que même si c'est là, il faut laisser ça comme ça. Il faut laisser ça comme ça. Mm-hmm. Donc, ainsi donc... Le 15 approche. L'esprit te parle plutôt de filles que tu dois épouser. Oui. Tu ne me poses pas la question, mais comment vous... J'ai demandé que, mais par rapport au voyage, il dit, ne t'inquiète pas pour le... voyage. Oui. Le 15 donc arrive, rien ne s'est passé. Et ton ami et ton frère avec qui tu as promis de voyager. Non seulement lui, il est venu me dire que c'est comment. Et aussi des frères, les leaders à qui j'avais dit cela. Oui. L'autre qui est même taquiné là est venu me voir. Oui. Il m'a demandé que mais c'est comment avec votre voyage là. Oui. Donc quand il me parlait ainsi, je savais que lui se moquait. Oui. En fait, donc avec le ton avec lequel il parlait. Oui. Quand il m'a donc dit ça, je ne parlais plus. Mmh. Il a dit que, en tout cas, laissons voir. Mmh. Le frère-ci qui aimait beaucoup gesticuler, oui. Là, oui. Il me disait que non, ça peut être que certainement. Voyons encore notre vie. Peut-être que le père a dû freiner les choses parce qu'on n'est pas encore prêt. Mmh. Donc voyons. Lui, il a trouvé la justification. Oui. Ça t'arrangeait aussi. Oui, ça m'arrangeait. Nous sommes donc entrés dans la prière. Oui. On priait que. Quelle était la réaction du pasteur? Le pasteur, en fait... Quand le 15 est passé, mars est passé, il ne t'a pas appelé. Le pasteur, je ne lui avais pas donné la date. Mmh. Oui, je lui avais dit juste que... En fait, je lui avais raconté ce que... On a dit à la conférence. Voilà, la date que tu as reçue, tu ne lui avais pas dit. Je ne lui avais pas dit. Mmh. Donc, ce qui fait donc que le pasteur aussi attendait. Mmh. Jusqu'à ce que je vienne aussi. Donc, cette phase-là était passée. Mmh. Les gens ne pensaient plus à ça. Mmh. Je suis donc revenu. En temps, tu reviens tout. Après le voyage, parce que tu reçois tout le message de lui. Je reçois tout le message de lui. Tu ne dis pas que et quand l'esprit me parlait maintenant pour celle-là, oui. Que je devais épouser, j'ai dit que tant que pour le problème du voyage n'est pas réglé, je ne peux plus écouter. À un moment donné, je ne voulais même plus écouter. Oui. J'allais dans la prière, je disais que. Donc, les prières de confession qu'on faisait, je faisais que je brise ton emprise sur ma vie. Donc, tu brises l'emprise de Dieu sur ta vie. L'emprise de cet esprit-là. Oui, mais comment tu savais que c'est voilà. Un esprit, non? À un moment donné. Dans ce trouble-là, oui. Je me suis rendu compte que l'esprit-là ne venait que pour me... Donc, en fait, il essayait de me faire perdre du temps. Oui. Je m'étais rendu compte. Donc, la plupart des messages que j'avais reçus ne s'étaient pas réalisés. Donc, et tu recevais, tu écrivais dans le cahier. J'écrivais dans le cahier. Et là, tu n'as pas eu l'idée chaque fois de vérifier. Mais allez, ça, tu as commencé à vérifier. Tu as remarqué que quelque chose n'allait pas. Mm-hmm. Et quand je vérifiais, donc, je m'étais rendu compte que plusieurs messages comme ça étaient faux. Est-ce que d'autres venaient avec les versets bibliques? D'autres venaient avec les versets bibliques. Oui. Il y avait... Souvent, c'était les versets bibliques. Oui, les versets bibliques. Donc, il y avait des versets bibliques. Parce que tu as dit dès le départ là qu'il te prescrivait même les jeûnes. Mm-hmm. Il me prescrivait le jeûne. Il me donnait un verset biblique. Que je n'avais. Enfin, je me rappelle d'un verset de Isaïe, où c'était Isaïe 54, oui. que j'avais reçu comme ça. Oui. Donc de jeûner avec. Oui. Et je jeûnais avec. Bon, je priais aussi, Et quand tu jeûnes à l'issue du jeûne, qu'est-ce qui se passe? Bon, après le jeûne, rien ne se passe. Tu es content. Je suis content. Oui, est-ce qu'au milieu de la semaine, par exemple, il y a des choses bizarres qui t'ont indiqué, oui, dans cette période-là, bizarre, ou qui t'a fait. Oui. Dans cette période-là, au milieu de l'assemblée, l'Esprit-là m'avait dit de dire au pasteur que toute l'assemblée prenne un jeûne de 30 jours. Oui. Et que le Seigneur est sur le point de faire de nouvelles choses dans l'assemblée. Oui. Quand j'ai donc dit ça, oui. le pasteur a dit que ça ne peut pas venir, que ça ne vient pas de Dieu. Oui. Donc il a directement rejeté. Oui. Donc ce qui fait que, entre-temps, tout ce que je recevais concernant l'assemblée, tu ne disais plus. Je ne disais plus. Tu écrivais. Mais si ces choses accomplissaient alors? Ces choses ne se sont pas accomplies. Oui. Ces choses ne se sont pas accomplies. Et les gens dans la vie duquel tu prophétisais, il n'y avait-il pas des gens qui se plaignaient? Maintenant, une maman oui. qui était venue, elle était paralysée. Bon, elle ne marchait pas, elle était paralysée. Oui. Elle était venue avec ses deux filles. Oui. Maintenant, elle sortait fraîchement du village. Pratiquer, donc chez un marabout. Oui. Quand elle est donc arrivée à l'assemblée le jour-là, il était question qu'on prie pour elle. Oui. Quand le pasteur s'est approché pour prier, l'ordre est venu qu'il fallait attendre. L'ordre est venu de sa femme oui. qu'il fallait attendre. Maintenant, on m'a appelé et la femme du pasteur était là. Oui. Quand on s'est donc mis à prier, on priait pour elle, pour sa délivrance. C'est là où la voix me dit que elle doit confesser. Oui. Maintenant, le pasteur dit que, bon, le Seigneur a dit qu'elle confesse. Oui, là, le pasteur dit que c'est le Seigneur qui a dit. Oui, il dit que c'est le Seigneur qui a dit. Qu'est-ce qu'on lui demande de confesser? Qu'est-ce qu'elle a fait au village? Oui. Elle dit que non, elle n'a rien fait. Oui. La voix encore en moi dit non, qu'elle confesse, que si elle ne confesse pas, qu'on ne prie pas. Oui. Donc, c'est comme ça que elle n'a pas toujours confessé. Oui. Elle n'a pas toujours confessé. Maintenant, la voix a parlé ouvertement. Oui. Donc, dans l'assemblée... Oui. qu'elle a contacté une femme. Oui. Donc la voix seulement dit qu'elle a contacté une femme. Oui. Maintenant, c'est pour la raison pour laquelle elle se retrouvait dans cette situation-ci-là. Oui. Oui. Et là, c'est sorti de ta bouche comme c'est ça. C'est sorti de la bouche comme ça. Oui. Maintenant, quand elle a essayé de jongler, la voix encore l'interrompait en disant que ce qu'elle dit là est faux. Oui. Donc c'est ainsi donc qu'elle s'est retrouvée en train de dire tout, de confesser tout. Oui. Ce qui... Là maintenant, elle s'est soumise. Elle s'est soumise. Comme ça à dire. Maintenant, quand elle a commencé à dire, on priait pour elle. Là, maintenant, ça a mis aux gens maintenant que, waouh, c'est la vérité, que ça, c'est le Seigneur. Que ça, c'est le Seigneur. Oui. C'est le point là maintenant qui a fait en sorte que les gens disaient que ça, c'est le Seigneur. Oui. Ça, c'est le Parce Seigneur. Que là, elle a dit vrai. Oui. Un jour maintenant, certains deux frères sont venus. Ils n'étaient pas de l'assemblée. Ils sont venus dire au pasteur que Dieu les a envoyés, qu'ils sont deux comme ça dans la vie de Douala, les prophètes que Dieu a envoyés. Oui. Si quelqu'un ne les, personne, si les gens ne les suivent pas, oui. ces gens sont dans l'erreur. Maintenant, quand j'étais donc assis, la prophétie était aussi sortie pour eux. Oui. Maintenant, dans le cœur, je doutais. Oui. Parce que j'avais peur des prophètes qui sont là-bas. Non, pas ça. C'est que le message qui sortait, je ne savais pas si c'était vrai. Oui. Donc, et l'esprit dans me un prophète poussait, douteur. Voilà, l'esprit me poussait donc à dire. Oui. Maintenant, quand j'ai donc dit que toi, tu as contacté telle alliance, oui. L'autre s'est tourné, il m'a regardé. Maintenant, l'autre a parlé d'un ton fort que, donc, pour contredire, oui. pour dire que cela est faux. Oui. Quand elle a donc dit ça, oui. je me suis assis. Oui. Dans mon cœur, je disais que, Seigneur, si ce que j'ai dit là n'est pas vrai, oui. qu'est-ce que je suis en train de dire? Ça, c'est devant les gens, devant l'assemblée. Devant l'assemblée, je dis ça dans mon cœur. Non, je dis l'événement que tu en as reçu, que les deux suivent à l'assemblée. Donc, ils marchent dans chaque assemblée pour dire qu'ils sont les prophètes qu'on doit suivre. Oui, qu'on doit suivre. Ils sont des Camerounais. Ils sont des Camerounais. Oui. Oui. Et ils apportent quel message? Bon, ils sont venus. Le message qu'ils avaient, c'était que. Ils condamnaient les dénominations. Oui. Ils condamnaient les. C'était un peu comme les gens de Kakou Philippe. Oui. Donc ils disaient que c'est à eux seuls oui. que Dieu a donné le message oui. pour le Cameroun voit pour le monde entier. Oui. Et que quiconque ne les suit pas, oui, donc est dans l'erreur. Oui. Donc c'est ce qu'ils étaient venus donner. Oui. Et là, il y a une confrontation. Il y a une confrontation donc. Oui. Le pasteur a dit que j'ai mon prophète ici qui tente. Donc, là, tu t'es levé, tu as donné ton message, ils ont dit que c'est faux. Ils ont dit que c'est faux. Tu t'es tué. L'autre a dit que c'est faux. Maintenant, l'autre était là. Mmh. Il était un peu timide. Oui. Maintenant, l'autre est sorti, il est parti. Celui-là est resté. Celui qui était timide. Oui, il était timide. Il est resté. Il est sorti au milieu des gens partis. Oui, il est parti. Oui. Oui. L'autre est resté timide. Bien après, le pasteur a causé avec lui. Bon, le pasteur lui a dit qu'il avait besoin de la délivrance. Oui. Maintenant, quand le pasteur m'appelait donc de venir dire clairement, donc expliquer clairement ce que le Seigneur m'a révélé pour lui. Oui. Je ne savais plus quoi il devait dire. Puisqu'on t'a déjà anéanti. Puisqu'on m'avait déjà. Donc, je ne savais plus quoi dire. Maintenant, tu tremblais aussi là debout devant un prophète. Je tremblais là, je ne savais plus quoi il devait dire. Oui. Ayant reçu deux Saint-Esprit. Oui. Je ne voulais pas. Avec aussi, l'onction de David. Je ne voulais pas aussi. Inventer quelque chose et dire. Oui. C'est comme ça que le pasteur avait pris une séance de prière avec lui. Bon. Donc il est finalement resté là-bas. Pour finir, le frère a été, il était toujours parti. On l'a délivré. Tu penses? Non, on ne l'avait pas délivré. Et il prophétisait? Il ne prophétisait pas. Il ne prophétisait pas. Ok. Il y a d'autres événements. Donc cet événement de l'esprit. En fait, j'étais à l'assemblée ce jour-là. Mm-hmm. L'esprit me demande de sortir. Donc de sortir. Ça c'est ce que tu veux raconter là maintenant. Ça vient après que tu es rendu, que tu sois rendu compte que c'est quelque chose ne va pas où c'est avant. C'est donc en fait c'est avant. Ok, c'est avant. Avant les histoires des voyages et autres là. Les voyages. Oui, qu'est-ce que l'esprit t'a dit? Cet esprit t'a dit? L'esprit m'avait dit. Cet esprit, oui. Cet esprit, voilà. Oui. Autant, moi, cet esprit m'avait dit de partir, de sortir. Oui. J'ai demandé mais je sors pour aller. Là, tu te trouves où d'abord avant qu'il demande de sortir? Je suis à l'assemblée. Oui. Donc, à ce moment-là, il n'y avait personne. Oui, donc, tu viens souvent pour méditer. J'étais là. Oui. Oui. L'esprit-là m'a demandé de sortir. Oui. Maintenant, bon, j'ai résisté. Oui. Bien après, je sentais une certaine pression. Oui. Maintenant, je suis sorti. L'esprit-là me demande de marcher. Donc, de marcher seulement. Ça, c'est l'esprit-là journée, qui devait journée me conduire. En pleine journée, bien. Oui, en pleine journée. Oui. L'esprit-là qui devait. Donc, si j'allais dans telle direction, oui, je voyais comment les. Donc, quelque chose essayait de me conduire. Donc, on te guidait exactement comme l'avion. Ça, c'est. Je crois que. Bon, on a traversé l'histoire. L'avion qui passe là, c'est pas l'avion. C'est pas. Ces esprits, pas vrai? Non, non. Donc, continuons. Donc, cet esprit te fait sortir. Tu marches clairement. Mm-hmm. Tu es dans la rue. On te voit en plein journée. Tu traverses déjà en route. Mais mm-hmm, on ne sait pas que tu es conduit par cet esprit-là. Tu marches, tu te sens. Tu te laisses seulement conduire. Mm-hmm. Il te fait aller dans telle ou telle rue. Tu avances. Oui. Tu arrives? J'arrive donc. En face d'une barrière. Oui. Je vais avancer. Donc l'esprit dit que je m'arrête là. Et l'esprit fait en sorte que je me tourne en face. Oui. Donc l'esprit me demande d'entrer. Oui. J'arrive, je toque. Maintenant, c'est une maman qui était là. Oui. Elle m'a demandé c'est quoi mon fils. Je lui ai dit en fait le Seigneur m'a envoyé. Là, tu as dit que c'est le Seigneur qui t'a envoyé. J'ai dit que c'est le Seigneur qui m'a envoyé dans cette famille. Oui. Et j'ai vu un papa qui était là, assis. Parce qu'avant d'entrer, le papa était assis de l'autre côté. Oui. Mais quand j'entre donc, je ressors, je demande à la mère, c'est qui là-bas? Oui. C'est là où elle me fait comprendre que c'est son mari. Depuis des années, depuis un certain temps, il ne parle pas. Mmh. Il ne parle plus. Donc, plus avant, il parlait, mais subitement, il est arrivé qu'il ne parle plus. Oui. Maintenant, l'esprit là me dit de prier pour lui. Oui. Donc là tu entends encore la voix maintenant, tu dis pour lui. Donc c'est là où il voulait te conduire. Oui. Oui. Maintenant j'ai dit à la maman si elle permet que je prie pour lui, que c'est pour cela que je suis venu. Oui. Elle a dit qu'il n'y a pas de problème. Tu dis que c'est Dieu qui t'a envoyé? Non, je dis oui. Oui. Elle a dit qu'il n'y a pas de problème. Maintenant le père est entré là, donc il était là assis. Maintenant j'ai pris ses mains. Donc, j'ai seulement arrêté ses mains. Donc, tout a commencé à vibrer. Oui. Oui. Quand ses mains vibraient, moi aussi, je vibrais. C'est comme ça que. Là, tu pries au nom de Jésus. Oui, je priais. Tu pries pour briser la guérison, pour commander que ça vienne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et c'est l'esprit maléfique qui t'a indiqué que qui m'a indiqué ainsi. Oui. Donc, et pendant que je priais, donc, j'ai prié. Jusque là, mais sa bouche veut s'ouvrir comme s'il veut parler. Oui. Mais rien ne se produit. Oui. J'ai prié jusqu'à un moment donné. C'est comme si l'esprit là n'était plus avec moi. Oui. Donc c'est comme si l'esprit m'avait laissé dans la confusion. Celui qui t'avait envoyé là-bas t'a abandonné. Oui. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai donc dit à la maman là que bon, maman, comme tu vois, nous ne sommes pas loin d'ici. Oui. L'assemblée est quelque part là-bas devant. Oui. Donc comme c'était, je crois, un samedi, comme demain c'est dimanche, amène-le là-bas. Si tu peux l'amener, c'est une bonne chose. Comme ça, le pasteur et nous tous, nous allons prier pour lui. Oui. Et il sera guéri. Maintenant, quand j'ai dit ça, elle a dit que ok, elle a déjà fréquenté les marabouts, rien n'a changé. Maintenant, le dimanche là, elle n'était pas venue. Oui. Bon, j'avais même laissé mon contact. Oui. Elle n'avait pas appelé. Oui. Depuis ce jour, quand j'ai raconté ça au pasteur... Tu n'es plus jamais descendu là-bas, par là-bas. Il arrive souvent que je passe non, par là. Non, il dit, dans ce moment-là, quand elles ne sont pas venues le dimanche, est-ce que tu n'es plus allé là-bas? Je n'étais plus allé là-bas. Oui. Parce que j'avais encore demandé à l'esprit là, oui, que bon, comme elle n'est pas venue dimanche là... Il fait comment? Il fait comment? L'esprit là n'a rien dit. J'ai donc laissé. Donc... J'ai donc laissé. Et là, tu as compris que... C'est qui? À un moment donné, je pleurais même, je disais que Seigneur, pourquoi je me laisse torturer par cet esprit comme ça? Dans ces conditions-là, y a-t-il pas, puisque on dit que tu avais le Saint-Esprit, le Saint-Esprit n'a jamais parlé dans ton cœur pour dire que mon fils, c'est faux, tout ceci. Donc, le Saint-Esprit, en fait, je ne peux pas dire que le Saint-Esprit attire vraiment l'attention, alors. Ou dit ouvertement, il attirait mon attention. Mm. Devant même certains faits. Oui. Donc, me faisait comprendre que, me mettait même les questionnements pour que je comprenne que non, ceci-là n'est pas de Dieu. Oui. Et ce qui m'avait même préservé, si je peux dire, c'est que je m'accrochais beaucoup plus à la parole. Oui. Et à un moment donné... Donc tu lisais la parole sincèrement, tu prophétisais négativement, forcément, sincèrement. Voilà. À un moment donné, j'ai compris que, en fait, la parole ne se contredit pas. Oui. Maintenant que cet esprit-là se contredisait, oui, j'ai donc dit que je ne voulais plus entendre une voix de cet esprit-là. Mm-hmm. J'ai même pris certains frères, bon, on a fait ces genres de prières pour que je n'entende plus que de ces voix. Mm-hmm. Maintenant, comme j'ai donc prié, j'ai pris même autorité. Oui. J'ai dit que vraiment, je n'autorise plus à cet esprit-là de me parler. Pensant qu'en faisant ainsi, oui, ça devait cesser les choses. Quand tu as fini de faire tout cela, qu'est-ce qui s'est passé? Il t'a encore parlé. Quand j'ai fini de faire tout cela, oui, il m'a parlé. À un moment Attends, il ne t'a pas grondé à l'issue de tout cela? L'esprit là? Oui. En fait, quand je n'obéissais pas à ce que l'esprit là me disait, oui, il y avait de cette torture, bon, mais l'esprit là ne grondait pas. Oui. Lui, il y avait de cette autorité. Puisque tu pries pour le gronder, qu'il prend autorité sur toi. Par la suite, il te parle tout simplement, il te donne le message. Il continue seulement, il ne te fait pas état du fait que tu as prié contre lui. Voilà. En fait, l'esprit là ne fait pas ça. Mm-hmm. Donc, il ne te gère pas là dans ce domaine. Il ne me gère pas dans ce domaine. Donc, tu prie presque que tu as prié, il te donne son message. Mm-hmm. Et vous priez comme ça au nom de? Au nom de Jésus. Voilà, continue. À un moment donné, ça qui est intéressant. J'ai compris donc que. Parce que. Frère, nous, on doit prier au nom de Jésus, d'accord? Mm-hmm. Et il y a des manifestations. Et les manifestations sont terribles, pas vrai? Vrai. Mm-hmm. À un moment donné, j'avais compris que ce qui maintenait cet esprit-là, c'était les langues-là. Oui. Parce que chaque fois qu'une parole voulait m'être donnée, oui, cet esprit-là commençait. Donc, la langue-là commençait au fond. Oui. Ça s'activait. Après, le message sortait. Oui. Et quand le message sortait, toutes les fois, oui, que le message voulait sortir, oui, il fallait d'abord que la langue passe, soit un canal. Oui. À un moment donné, j'ai donc dit que Seigneur... Et cette langue-là parlait comme chez les pentecôtistes normalement? Normalement. Oui. Normalement. Jusqu'à je chantais même, il arrivait de chanter en cette langue-là. Oui. Chante, et là, tu penses que tu es dans l'adoration? Je pense que je suis dans l'adoration. Et on dit que c'est l'adoration en esprit, on en vérité. On dit que c'est l'adoration en esprit. Mm. Donc, parce qu'on nous avait dit que parce qu'il chantait comme ça, oui, il disait que Seigneur, donne-moi un jour de chanter comme lui. Il t'a donné. C'est comme ça que ça se passait. Mm. Donc, à un moment donné, il a dit que Seigneur, le parler en langue si, parce que depuis Chang, le oui, pasteur Apollinaire là qui m'avait baptisé m'avait dit que le parler en langue si, c'est faux. Attends, quand il a dit ça. Attends, il a dit ça pourquoi? Il m'avait dit ça carrément. Que tu as parlé en langue devant lui? Je parlais. Quand vous priez souvent? Quand je m'agenouillais dans la chambre, oui, je parlais. Moi, je me disais qu'il parlait aussi. C'est pour ça que partout où j'ai rencontré les frères, tu parlais ça. Pour moi, c'est normal. Tu croyais que c'est le langage chrétien, oui, normalement. Un jour, il m'a appelé. Oui. Il a dit qu'il a vraiment peur que ce qu'il veut me dire là. Ça te choque. Me choque. Oui. Mais il m'a dit que ce que tu parles là, oui, ce n'est pas de Dieu. Oui. Quand il m'a dit ça, oui, tu l'as haï. J'ai eu. Je lui ai dit que si ce n'est que comme ça, oui, c'est que je ne peux plus être. Avec toi. Avec toi. Mmh. Il m'a donc dit que. Tu vas fuir, non? Mmh. Aller à la CMCI. Oui. Pas là-bas. Oui. Les dîmes vont te tuer là-bas. Tu vas encore fuir, aller ailleurs. Quand il m'a dit ça, depuis le jour-là, quand je suis arrivé donc ici, oui, j'étais coincé comme ça là. Oui. C'est là où je me suis rappelé de ces paroles-là. Oui. J'ai dit que Seigneur, pardonne-moi pour ce que j'avais, pour ce malentendu que j'avais eu avec ton serviteur de l'autre, oui, côté. Mais il t'a expliqué c'était comment? Parce que je n'avais même pas voulu entendre son explication. Oui. Oui. Donc moi je disais que non, c'était vrai. Oui. Ce que je disais. Donc comme je n'ai pas voulu écouter, il n'a, oui, plus donc. Il n'a plus avancé. Avancé. Maintenant, j'ai donc dit que Seigneur, délivre-moi de ce là, problème. Là, nous nous trouvons là-bas et tu te rends compte que c'est le parlant langue qui est le problème. Qui est le problème? Oui, que, Je dis que Seigneur, je ne veux plus parler la langue si donc. Oui. J'ai dit que même si ça vient, oui, je vais essayer ma bouche, je n'y parlerai plus. Je ne parlerai plus. Quand on arrivait à l'assemblée maintenant, j'avais lu dans 1 Corinthiens 14 que dans l'assemblée, si c'est même vraiment ça, oui, si, qu'on parle, que un ou deux ou trois ou plus parlent, oui, et qu'il y ait quelqu'un qui interprète, s'il n'y a, oui, pas d'interprète, qu'on se taise dans les assemblées. Voilà. J'ai même vu le passé que, mais comment la Bible est claire là-bas, mais ici là, on dit qu'on se taise, on est là toujours, c'est toute l'assemblée au contraire qui se lève pour parler. Oui. Mais est-ce que ça ne contredit pas les Écritures? Qu'est-ce qu'il a dit? Quand j'ai donc dit ça, oui, les gens ont dit que. Ça, c'était en tenant dans la réunion des assemblées des anciens. Ça, ce n'était pas parmi les dirigeants. Oui. Mais j'ai parlé à certains dirigeants en aparté, donc, oui, dans l'intimité. Oui. Et ils ont compris qu'en fait, c'est vraiment. Ce que je dis là est très pertinent, qu'on doit revoir ça. Il y a l'ancien qui était là, dit qu'il va rencontrer le pasteur pour qu'on essaie de voir ça. Attends, vous ne lisez pas la Bible, quand vous réunissez, vous faites quoi? Vous ne lisez pas la Bible pour que c'est comme s'il venait découvrir cela dans la Bible. On lisait la Bible. Oui. Le pasteur a dit que, en fait, quand on se réunit là, oui, il faut se laisser conduire par l'esprit. Et vous laissez vraiment conduire par l'esprit? Et il dit que quand on prie, quand toute l'assemblée prie comme ça, c'est qu'on est conduit par l'esprit. Oui. Quand il a donc dit cela, il y avait certains points que j'ai touché déjà. Oui. Le voile et autres. Oui. Maintenant, c'est là où. Parce que les sœurs s'habillaient bizarrement. Oui. Et certains frères les convoitaient même. Oui. Ça fait que quand je rencontrais le pasteur, je lui disais ça. Il disait que non, l'habillement, ce n'est pas l'habillement qui donne le salut. Dieu n'est pas un brûlant, ne regarde pas l'extérieur. Que Dieu ne regarde pas à l'extérieur, il regarde au cœur. Oui. Donc quand il disait toutes ces choses-là, ça te dérangeait. À un moment donné, ça me dérangeait. Ah, permets-moi de te poser des questions. Parce que c'est en fonction des questions qu'on peut essayer de ressortir. Parce que tu as tellement des expériences, des choses à nous raconter dans cette dénomination. Mm-hmm. Mais je vais poser une question. Les gens qui venaient te consulter pour les prophéties, ne parlaient-ils pas en langue là-bas dedans? Ils parlaient en langue. Et ils venaient te poser des problèmes d'ordre spirituel. Oui. Mais la langue qu'ils parlaient, est-ce que c'est le Saint-Esprit alors? Ce n'est pas. C'est les mêmes langues. Avec le problème qui était posé, et chaque fois, tu savais que c'est un problème spirituel, que tu savais toi-même que tu avais le problème spirituel. Mm-hmm. Alors, dans ce cas, qui distribue donc ces langues-là? Moi, je dis. Mm-hmm. Je dis. Pas que je dis selon les expériences, oui, mais selon la parole, oui, je dis que ces langues-là ne viennent pas de Dieu. Oui. Et maintenant, et plusieurs personnes, y compris les docteurs, tous les docteurs que tu as cités là, les grands pasteurs que tu as cités là, parlent ça et prêchent avec, et enseignent ça et communiquent cela aux gens. Et communiquent cela aux gens. Donc, ça veut donc dire que. On devrait se reposer encore la question. Si quelqu'un nous écoute maintenant, il, oui, fait partie de ces assemblées-là, mm-hmm, ou bien à l'extérieur, Canada, Amérique, n'importe où, en Afrique, dans tous les continents, mm-hmm, et qui est pris en esprit, comme on dit là, dans l'intimité ou là-bas. Qu'est-ce que tu peux leur conseiller alors? Ce que je peux leur conseiller, c'est ceci. Que chacun prenne soin d'examiner, oui, réellement la source de ces choses-là. Oui. Parce que Dieu ne peut pas donner sa parole, oui, et venir par la suite contredire cette parole-là. Oui. Mais peut-être Dieu a évolué, Dieu a changé, peut-être sur le monisme, Dieu a évolué. Parce que peut-être on peut dire que la parole s'adopte à chaque période ou quoi. Bon, en fait, quand tu as ce qui est écrit clairement, oui, qu'on doit obéir, oui, là-dedans, il n'y a pas de contradiction qu'on peut apporter. Parce que je me rends compte que tous ces parler en langue que les gens font, oui, ne viennent. En fait, si ils ne se tiennent sur aucun passage biblique, oui. Parce que quand on ouvre la Bible contredit cela. Oui. esprit, ils ne se tiennent sur aucun passage. Mais ils disent que c'est en esprit qu'on dit des mystères et qu'on ne peut pas comprendre. Ils disent, parce que si c'est en esprit qu'on dit des mystères, oui. Si c'est vraiment le Saint-Esprit, oui. Le Saint-Esprit ne peut pas venir dire un mystère qui contredit la parole écrite. Okay. Parce que la parole est déjà claire là-dessus. Oui. Et donc, nous nous retrouvons dans la Douala. Tu es dans le voyage, ne s'est pas passé. L'Esprit te dit de voyager, d'aller chercher les femmes, la femme que tu vas épouser, ça ne marche pas. Tu peux prier pour cette personne, il t'indique, tu peux prier, ça ne marche pas. Et maintenant, jusqu'à là maintenant, tu recherches la solution. Comment tu feras pour tomber sur moi? Bon, voici ce qui se passe. Étant dans cette dénomination, j'avais dit au Seigneur, oui. Je disais au Seigneur, Seigneur, je ne ressens plus ma place ici. Oui. Conduis-moi là où tu veux que je sois. Oui. Parce que j'en ai marre de ces choses. Et cette fois-ci, oui. Si je quitte cette dénomination-ci, oui. Ce n'est plus pour retourner dans une dénomination. Oui. Parce que je ne veux plus une dénomination. Oui. Parce que tout ce qui se passe là-dehors, oui. C'est contre ta volonté. Oui. Quand je priais, je faisais cette prière constamment. Oui. Un jour, cette maman, une maman à qui on rendait constamment visite. Oui. En fait, à un moment donné... Vous lui rendez visite pour prêcher, pour bon, prêcher. C'est que elle venait souvent à l'assemblée. Oui, dans cette assemblée-là. Dans cette assemblée-là. Maintenant... Elle est quittée. Elle est quittée. Vous partez dans le rendre visite pour savoir de quoi elle est question. Voilà. Plus on était chargé d'aller rencontrer certaines âmes pour les... Ramener. Les exhorter, les ramener. Mm-hmm. Maintenant, quand j'arrive... Je lui rendais visite, oui. Mais elle ne m'avait jamais fait un jour... Le pourquoi elle est quittée. Donc, elle ne m'avait jamais fait état de quelque chose un jour. Mm. Et je ne savais même pas... Je savais aussi qu'on est dans les dénominations ensemble. Mm. Et continuant dans ce processus de prière, je disais, Seigneur, il m'arrivait même parfois que je quitte. Donc, je disais qu'aujourd'hui, je ne vais pas dans les dénominations. Oui. Je restais à la maison sans savoir. Donc, parce que je savais qu'il n'y avait pas la vérité dans ces endroits-là. Mm. Ce qui fait donc qu'un jour... Je lui rendais continuellement visite. Oui. Or, on l'avait confié chez trois personnes, chez trois frères parmi lesquels j'étais. Oui. Or, les autres frères n'étaient plus là parce que l'autre là était allé chez Dr. Sean et l'autre aussi est retourné à la CMCI. Là, tu es alors allé chercher la brebis perdue. Oui. Pour la ramener à la maison. C'est là où il m'a dit, frère, j'ai un CD. Oui. J'ai un CD. Oui. Et j'aimerais que tu écoutes oui. L'enseignement là. Maintenant. Je ne lui ai pas demandé de quoi est-ce que le CD parlait oui. Et de quel enseignement ça il s'agissait. Oui. Maintenant, quand il m'a dit ça, j'ai pris ça à la légère. Oui. Bon, j'ai dit dans mon cœur que Aka, si ça vient du Seigneur, oui. Si le CD là vraiment ça vient du Seigneur, c'est que ce qui est sûr, elle pourra me donner. Oui. Quand j'ai dit ça, en partant, j'étais censé prendre le CD. Oui. J'ai complètement oublié, je suis moi rentré. Oui. Un jour, j'ai prié encore. Ça m'est venu à l'esprit que la maman là, elle m'avait parlé du CD. Oui. C'est de quel CD qu'il s'agit. Oui. J'étais encore allé chez elle. Elle m'a encore rappelé que frère, je t'avais dit que je devais te donner un CD. Oui. Maintenant, je lui ai dit, c'est vrai, tu m'avais fait part de ça. Elle m'a donc donné un CD. Oui. Que j'arrive à la maison, qu'elle ne sait pas comment je vais faire. Oui. Que c'est un CD qui est important pour elle. Oui. Maintenant, que si je parviens à la ramener ça, oui. Donc à lui ramener ça, ça serait bien. Oui. Que vraiment, je garde ça précisément. Oui. Et dit, ok, je vais aller même copier. Oui. Maintenant, je ne savais pas parce que dans plusieurs CD, des enseignements, des passés qu'on prenait, il était interdit de copier. Oui. Parce que eux-mêmes, parfois, ils disaient que c'est de la fraude quoi. Oui. Mais j'avais aussi peur que ou en copiant le CD si je copie ça dans ma carte de mémoire ou un jour ça serait mauvais devant Dieu que je le fasse ou bien que parce que c'est passé la vente le passé faisait ok ils vendaient les CD voilà ils vendaient les CD et ils interdisent de copier qu'il faut acheter donc pour eux ça ne gâte pas les je sais pas c'est le commerce ou c'est quoi donc j'ai donc pris je suis allé j'ai copié. En fait, et là, tu as demandé à maman si tu peux copier. Je ne lui avais pas demandé. Oui. Elle m'avait juste dit que va avec. Essaye de voir si tu peux reproduire. Oui. Donc, quand elle m'a donc dit ça, je suis allé avec. J'ai copié dans la machine d'un frère avec qui on était dans les dénominations. Oui. J'ai même copié ça, j'ai laissé là-bas. Oui. Donc, j'ai téléchargé juste. Je n'ai pas coupé ça là-bas, j'ai téléchargé. Tu as laissé le reste dans sa machine. Et le CD parlait il y avait l'enseignement sur les dîmes, il y avait un débat contre les imams là. Oui. Oui, il y avait aussi comment les offrandes se passent, oui, donc dans les assemblées. Maintenant, quand j'ai écouté ça, la voix, en fait, quand j'ai commencé à écouter, oui, le CD, oui, je ne sais pas ce qui m'a donné l'attention ce jour-là. Oui. Parce que c'est comme si tout était, c'était arrangé, oui, pour que je puisse fermer la, la porte, que je m'assieds dans la chambre Pour être attentif. Concentré, attentif. Quand je me suis mis donc à écouter le CD, je ne sais pas, les prédispositions qui venaient, c'est qu'il fallait que je prenne ma Bible, oui, que j'examine tout ce qui se dit. Oui. J'ai donc pris la Bible, j'ai commencé sur l'enseignement, sur les dîmes. Oui. Parce que dans les dénominations, c'est l'un des points dans lesquels je voulais vraiment être éclairé. Quand j'ai donc écouté les enseignements sur les dîmes, j'ai examiné depuis l'Ancien Testament tous les textes, les explications qui étaient données. Oui. Depuis l'Ancien Testament jusqu'à toucher le sacerdoce, oui, dans lequel nous sommes maintenant. Oui. Donc, c'est là où, à partir du sacerdoce là, que j'ai vu, les choses ont commencé donc, à changer, à bouleverser. J'ai même compris qu'en fait, le message de la dîme que le pasteur prêchait n'était même pas clair. Oui. Parce que, bon, dedans, il y avait les points, les nuances. Les nuances. Mmh. Voilà, c'est là où j'ai compris. Donc, le premier message que tu as écouté de moi, c'est la dîme. C'est la dîme. Par la suite, tu as écouté les autres. Par la suite, j'ai écouté maintenant comment les offrandes se passent. Et quand tu voyais ça à l'image de tout, là où tu es passé partout, et là, et l'assemblée dans laquelle tu es fraîchement, qu'est-ce que ça se passait? Quand je voyais ça, donc, le Seigneur me faisait comprendre que tout ce que j'avais traversé jusqu'à ce moment-là, oui, j'étais donc, tout cela était dans le faux. Oui. Tout cela était dans le faux. Et la, donc, la conviction que le Seigneur m'avait donnée, oui, c'est que dès lors que j'ai écouté ça, oui, je n'avais plus la paix dans ces dénominations-là. Oui. Donc mon cœur n'y était plus. Toutes les responsabilités qu'on m'avait données, j'ai vu le passé, je lui ai dit que je m'en décharge. Je m'en décharge. Il ne t'a pas demandé que qu'est-ce qui ne va pas? Il m'a demandé, mais qu'est-ce qui ne va pas? En fait, j'avais beaucoup eu à partager avec lui concernant les points doctrinaux là. Mm. Parce qu'il y avait certains points où j'étais revenu pour lui dire que ici là, par le passé, on prêchait ceci là. Mais après, on est encore revenu tomber dans ces choses. Donc, quand j'ai fait état de ça, il a dit que si c'est le Seigneur qui a voulu que qu'on ne soit plus ensemble, que tu ailles en paix. Quand j'avais donc annoncé ça, plusieurs frères qui étaient beaucoup collés à toi, collés à moi, ils ont dit que mes frères, tu as bien réfléchi sur la décision que tu veux prendre. Je l'ai ramené dans la parole. Il dit que frère, vois telle chose, vois telle chose, vois telle chose, vois telle chose. Il dit que non, frère, est-ce que, bon, si je paye la dîme ou je ne paye pas, est-ce que ça me donne le salut? Il lui a dit que frère, il est question d'obéir ou de désobéir à la parole de Dieu. Oui. Maintenant, quand ils ont essayé d'apporter les raisonnements, je leur ai dit que tant mieux. Mais je sais une seule chose, que ce que j'ai écouté, je suis convaincu. Et là, tu n'as pas besoin de donner l'enseignement au pasteur aussi, à tous ceux qui t'écoutaient? Tous les enseignements qu'on essayait de donner au pasteur, il disait qu'en fait, j'ai écouté ces enseignements-ci dans les années, j'ai écouté ces enseignements-ci. Donc, ce qui fait que pour approcher le pasteur et lui donner encore un enseignement, oui, il ne voulait plus écouter. Oui. Il dit déjà que non, il y a les fausses doctrines, déjà, je connais ça. Donc, on essaie de vous détourner, de vous mentir. Et là, il a quand même embrassé la doctrine, la confession de la foi et autres là-bas. Oui, là, c'est les vraies doctrines. Il a embrassé. Maintenant, j'ai dit au frère là que tu veux, je te donne l'enseignement, si là, tu suis, tu écoutes. Il a dit que non, ça va. Que ça, je lui ai déjà dit. Oui. Il ne veut plus écouter, ça va déjà. Oui. Maintenant, après. Et celui qui est chichonne là, sur ton ami qui est chichonne, est-ce que tu l'as fait état de cela? Mon ami qui est chichonne, dernièrement, je l'ai rencontré, j'ai soulevé, en fait j'ai touché, oui, l'histoire de l'église, oui, donc commençant de l'une des dénominations là, oui, quand j'ai touché ça, comme il est allé chez Dr. Sean faire l'école de théologie là, oui, quand j'ai touché le domaine là, il s'est senti frustré, oui. Il n'était pas d'accord avec moi. Oui. Il m'a donc dit que si je veux, on prendra du temps. Et le mercredi, là, je lui avais dit que mercredi, j'ai du temps. Viens, on va causer et clôturer avec ces choses. Il a dit que d'accord. mercredi, il n'est plus venu jusqu'à aujourd'hui. Oui. Donc, et il ne me fait, il ne m'appelle plus comme il m'appelait avant. Donc, et là maintenant, tu as écouté les enseignements, tu as commencé à écouter, comme tu as écouté maintenant, jusqu'au moment où tu viens avec lui, tu commences à poser des questionnements et des questionnements. Voilà. J'ai écouté ces enseignements. L'année, j'écoute les enseignements comme ça en 2015. Oui. Là où tu n'as pas voyagé. Oui. Mmh. Et en bas, bon, à la fin, il y avait les contacts qu'on avait laissés. Oui. J'ai appelé parce qu'il fallait que je rencontre. Donc je sentais qu'il fallait que je rencontre cet homme. Oui. Vraiment pour qu'il m'enseigne sur les autres choses. Oui. Parce que je voulais, et peut-être c'est lui que le Seigneur a choisi pour ma délivrance. Oui. Maintenant, quand j'ai appelé, oui, le numéro là, le contact là, ne passait pas. Oui. Le lendemain, j'appelle, ça ne passe pas. Il dit que Seigneur, si tu veux qu'un jour on se rencontre, on va se rencontrer. Et certainement, ça pourra passer. Oui. C'est ainsi donc un jour encore, je vois encore, mais je ressens encore en moi que je suis dans les dénominations là. Oui. Puisque je dormais maintenant là-bas, je n'avais plus là où j'étais pas passé, j'étais déjà quitté là-bas. Mmh. On m'avait chassé là-bas que j'étais dans une secte. Oui. Maintenant, le pasteur m'a dit de dormir à l'église, oui, à la dénomination là-bas. Je passais la nuit là. Jusqu'à ce que j'avais toujours ce trouble dans mon cœur que, oui, Seigneur, ma place, est-ce que ma place est un jour? Oui. Maintenant, j'ai ouvert ma Bible. Une nuit, je méditais. La voix là me dit, donne Jean 14, verset 6. Mm-hmm. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Et, bon, je ne sais pas si c'était cette voix là, je ne sais pas quelle voix maintenant m'avait donné. Oui. J'ai dit que, mais qu'est-ce que ça veut dire? Seigneur, tu as dit que tu es le chemin, la vérité et la vie. Mmh. Est-ce pour dire que je ne suis pas sur le chemin? Je sais déjà que ici, là, dans mon cœur, ça ne va pas. Oui. Maintenant, la nuit, je dormais. Bon, je ne sais pas si c'est une voix que j'entendais ou bien c'était un rêve. Que ta place n'est plus ici. Oui. C'est comme ça que, donc, depuis ce jour-là, j'ai prié mes choses. J'ai dit que je ne ferai plus partie des dénominations. Oui. Et j'ai oublié un point. La voix, si là, la voix dont je parlais là, mais m'avait un jour donné un numéro à minuit, oui, d'appeler. Oui. J'ai appelé ce numéro-là. La voix me dit de lui dire d'accepter le Seigneur Jésus. Oui. C'est comme ça que le lendemain, mais je me rends compte que la personne m'appelle. Je lui dis exactement le message que j'avais reçu. Oui. Et puis, elle me dit que ce frère, celui-là me dit qu'il est à Yaoundé et qu'il est témoin de Jéhovah, ceci, cela. Oui. C'est après maintenant, quand il m'a donc... Bon, en fait, je bosse pour... Oui. Oui. En fait, il m'avait fait comprendre que tous ses parents sont des témoins. Oui. Maintenant, et... Donc, l'esprit t'a communiqué un numéro où tu as écrit. Oui. Oui. Il a dit, appelle à ce numéro et dis-lui que s'il ne se donne pas au Seigneur, il va mourir. Oui. Donc c'est ce que j'avais donné comme message. Oui. Après maintenant, quand je lui ai dit ça, il s'est senti troublé jusqu'à il a dit qu'il voulait me rencontrer. Il a dit, oui, que peut-être j'ai cherché les problèmes. Il me dit qu'il est comme ça à Yaoundé. C'est là où il m'a rappelé. J'ai commencé à lui prêcher, à lui parler de l'évangile. Mmh. Donc j'ai utilisé les passages bibliques, oui, pour lui dire d'accepter Christ. Oui. C'est là où maintenant, il a dit que depuis, il a un ami dans la dénomination qui lui parle depuis. Oui. Que la voix qu'il a suivie là, c'est une faute de foi, mais il ne comprend pas. Il croit que c'est vraiment Dieu qui lui a parlé. Mmh. Et il s'est donc détourné. Il m'a dit qu'il va maintenant aller où? Il a maintenant quitté le témoin de Jéhovah. Oui. Maintenant, c'est comme j'étais dans la dénomination, je lui avais dit d'aller à la CMCI. Oui, puisque tu connaissais cela. C'est là. Donc, c'était une parenthèse. Oui. C'est que maintenant que j'écoute, déjà cette voix-ci qui me dit, ta place n'est... bon, c'est pas, c'était comme un son. Oui, ta place n'est plus ici. Tu as pris maintenant des bagages, je sais pas. Oui, et depuis quand tu écoutais donc ces CD là et autres là-bas, qu'est-ce que la voix ne t'a pas dit quelque chose? Depuis que j'écoutais le CD là, oui, la voix ne m'avait plus rien dit. Il s'est tué. C'est tu. Mm-hmm. Donc il n'y avait plus rien. Oui. Donc, mais là, ça ne t'étonnait pas. Bon, en fait, je me demandais que je ne sais pas. Donc je ne savais pas, je ne pouvais pas vraiment en venir sur quoi s'il était. Oui. Donc il fallait que ce temps-là de prière pour demander la volonté du Seigneur par rapport à l'endroit où je me trouve. Il fallait que ça passe pour que je me questionne encore que, mais est-ce que la voix là me parle encore? Est-ce que... Donc c'est un peu ça. Oui. Donc, En 2000, c'est donc le jour que j'avais maintenant appelé récemment que ça passait. Ah, j'ai dit gloire à Dieu. C'est là où maintenant j'ai appelé, c'est la mère qui a décroché. Qui ça? La sœur. La sœur Grâce. Oui, elle a décroché. Elle m'a donc. Bon, elle m'a demandé que. Mais c'est qui? Je lui ai dit que moi, c'est William. Bon, j'ai été victime des en fait, je suis l'un des victimes des dénominations. Et puis, le Seigneur m'a accordé la grâce de comprendre que ce qui se passe là-bas est faux. Oui. Et j'aimerais rencontrer le frère. Bon, j'appelle toujours le pasteur. Parce que tu ne peux pas parler autrement, c'est la langage, oui. Maintenant, elle a dit que, mais tu as fait comment pour avoir le contact? Oui. Je lui ai dit que. Donc, c'est une maman-là qui a donné, oui. Qui m'a donné le CD. Et puis, à la fin, j'ai relevé le contact. Oui. Donc, bon, c'est là où maintenant on avait pris rendez-vous pour que j'arrive ici. Donc, c'est comme ça que les choses. Et cette maman-là qui m'avait donné le CD, peut-être elle-même elle ne savait pas ce que le CD-là devait faire. Oui. Parce que quand j'ai donc écouté le CD, je suis venu la voir pour lui dire que, en effet, ceci-là. Donc, comme j'étais venu là, il m'a donné les autres enseignements. Oui. Je suis arrivé là-bas. Oui. J'ai commencé à lui dire maintenant que. Comment la femme doit se voiler, comment, elle comment. Même, et même elle a dit, hey, qu'est-ce qui s'est passé? Que la chevelure de la femme suffit pour le voile. C'est là où elle parlait, bon, quelque part, quand je lui disais, je savais qu'elle avait épousé l'enseignement. C'est plutôt elle qui t'a donné le de l'enseignement. Oui. Pourtant, c'est elle qui m'a donné. J'étais surpris qu'elle soit encore surprise. Parce qu'elle m'avait parlé un jour. Du frère. Bon, je m'étais dit que bon, comme elle disait là, c'est que bon, écoutant encore les autres enseignements que tu m'as donné, elle sera encore plus édifiée. Oui. Mais c'est là où elle a commencé à me dire des choses. Oui. Bon, que moi, j'ai dit qu'en tout cas, le Seigneur m'a déjà délivré de tout cela. Délivré de tout cela. Si je veux écouter, j'ai dit à moi que si je veux écouter, mais c'est qu'elle veut le CD. Elle voulait t'aider, puisqu'elle a répété cette histoire de CD. Elle m'a donné un CD là, au moins 3 fois. Oui, je ne sais pas pourquoi donc. Oui. Et donc, quand elle me disait ça, je ne sais pas quelle était son intention. Oui. Donc, le Seigneur est merveilleux. Vraiment, voilà pourquoi, depuis le jour que j'ai écouté le Seigneur, j'étais vraiment en paix. Donc, la paix était là, donc jusqu'à ce que je puisse vous rencontrer comme ça. Voilà. Que le Seigneur te bénisse. Merci. On va se rencontrer. À tout à l'heure, d'accord? Ok. Lève-toi. Au nom puissant du Seigneur Jésus de Nazareth. Sors de lui! Sors de lui! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne l'utiliseras plus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il ne t'appartient pas, il n'appartient pas au royaume des ténèbres. Sors! Sors! Sors! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je t'ai saisi. Tu dois me dire qui tu es. Je t'ai saisi. Tu me diras qui tu es maintenant. Qui tu es? Qui tu es? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La présence qui est ici, c'est terrible seulement. C'est terrible, c'est terrible. Qui es-tu? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qui tu es? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qui es-tu? Qui es-tu? Dieu ne peut pas pervertir l'œuvre de Dieu dans sa vie. Il va servir dans ce ministère avec ses visions que Dieu lui a données. Mais tu ne peux pas pervertir. Il ne vous servira point. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qui tu es? Tu n'utiliseras point ces garçons. Jamais tu ne l'utiliseras. Au nom de Jésus.

Lâche-le. Lâche-le. Lâche-le, puissance des eaux. Lâche-le. Lâche-le. Lâche-le. Lâche-le. Toi, lâche-le. Tu ne peux pas l'anéantir. Lâche-le. Tu ne feras rien à sa famille. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Au nom de Jésus. Tu ne feras rien à sa famille. On te l'a consacré dans l'ignorance. Maintenant, Jésus-Christ est son Seigneur. Je veux que tu sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vieille femme, toi vieille femme, tu es démasqué. Tu es démasqué. Il ne t'appartient pas. Il ne t'appartient pas. Il ne t'appartient pas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors. Sors. Sors. Au nom de Jésus. Sors de lui maintenant. Sors de lui. Sors de lui. Sors de lui. Et tu ne feras plus rien avec sa famille. Je dis. Maintenant, la sentence de mort a été prononcée sur toi. Terminé. C'est vrai, point à ton royaume, ni à ton dessein. C'est vrai, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Lève-toi, lève-toi, tu es libre. Lève-toi, lève-toi. Assieds-toi là-bas, assieds-toi. Que Dieu te bénisse, qu'il te bénisse. Tu es libre. Comment tu vas, mon cher? Donc tu peux voler comme ça, fais un peu comme ça, voir. Fais comme ça, tu peux caler. Tu as sauté plus que moi là. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Et je vois que c'est comme s'il y avait d'abord quelque chose ici. Oui. Je sens que cela. Écoutez, on priait, qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu t'es retrouvé donc par ici? Je ne sais pas comment il peut expliquer. Mais je sais que je me... Donc en fait, c'est comme dit, c'est cet esprit-là qui me conduisait à... Pendant qu'on priait, tu ressentais comment dedans, quand on donne les prières? En fait, je ressentais quelque chose à l'intérieur, je quelque ressentais chose quelque chose qui montait. Et quand j'ai mis deux mains et deux doigts ici, là, c'est au moins là, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, quand tu as mis deux doigts, en fait, la chose est encore plus remontée. Et il y avait au niveau du signe une certaine résistance. À quel moment c'est parti alors? Moi, on dit que tu as mis quelque chose monter ici. Et puis, je le sentais comment tout ça me déportait pour monter. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Merci de m'avoir accueilli chez vous. Maintenant, à l'issue de ta délivrance, raconte-nous. Qu'est-ce que tu as entendu dans ta délivrance? Maintenant, tu as entendu maintenant la personne qui te faisait prophétiser. Donc, maintenant, comment on a prié maintenant là? Et que. Raconte-nous la séance. Donc, à l'instant même. Oui. À l'instant même. Oui. Que cela s'est produit. Oui. J'ai ressenti, donc, que quelque chose m'était quitté. Oui. Et que mon être intérieur était. Libre. Oui. Donc en fait, je ressentais une certaine. Donc c'est comme si avant j'étais lourd. Oui. Mais maintenant, donc quand cela s'est produit, je me sentais libre. Oui. Donc leste, léger. Oui. Donc c'est là où j'ai en fait compris que waouh, ça c'est vraiment la visitation que le Seigneur m'a accordée. Amen. Okay. Bon, maintenant, pendant que tu es en train de regarder ton cas, tu vas venir, tu vas trouver le moment où tu vas venir passer 3 jours à la maison avec moi. Okay. On va passer 3 jours ensemble pour ton cas à l'intérieur. Donc maintenant que le Seigneur t'a libéré de cela, il faut maintenant que c'est pourquoi Dieu t'a appelé, tu y entres véritablement. D'accord? Tu vas le servir maintenant. Donc on va on va travailler. Et là maintenant, tu seras une arme maintenant de destruction massive dans le camp de l'ennemi. Que le Seigneur te bénisse. Merci. Son parler en langue. Oui, oui, ton parler en langue. Oui, oui, qu'est-ce que tu veux dire, Pachin? J'ai remarqué quelque chose. Cet esprit a donné son nom Shabbat. Oui. Et puis, dans son parler en langue, oui. C'est ce nom-là qu'il prononçait oui. Autant de fois. Oui. J'ai donc remarqué que il en sent, puisqu'il dit que la prophétie venait de cet esprit. Du parler en langue oui. D'abord, et puis la prophétie se prononce après. Oui. Donc, j'ai donc remarqué que. En réalité, oui. C'est quand il prononce Shabbat, oui. Donc il parle en langue, en fait, c'est donner gloire à cet esprit-là et le permet d'entrer en action pour parler. Qu'est-ce que tu en dis dans cela? Justement, ce que le frère dit, c'est vrai. Oui. Parce que toutes les fois que le message venait, oui. C'est quand cette langue-là sortait. Oui. Donc après que la langue soit sortie, le message déjà était délivré. Oui. Il était maintenant délivré. Et autre chose, frère. Oui, ben, je vais juste tirer une conclusion parce que ça peut, je suis content. Oui. J'ai remarqué dans son témoignage, plus particulièrement, ces deux vies. Oui. Deux vies, la vie des ténèbres, la puissance du diable oui. Et la toute-puissance de Dieu. Amen. Parce que j'ai remarqué dans son témoignage, il appelle cet être le Seigneur. Le Seigneur, oui. Et chaque fois, il dit Seigneur. Oui. Mais je poussais là, j'ai dit pour voir jusqu'où la miséricorde de Dieu part et frappe. Oui. Parce que son cas est vraiment terrible. Oui. Étant innocent, on l'a initié, on l'a vendu, on l'a consacré, on l'a possédé. Et puis, à la fin, je vois, cette femme devait le couronner. Oui. Mais... Après, il a été infecté par plusieurs différentes maladies qui devraient, en fait, tout ça le conduisait sur l'oppression avant qu'il puisse être libre pour vivre l'autre côté-là. Puisque oui. Dans son témoignage, il dit que la femme a dit qu'avant qu'elle ne fait ça, oui. Elle a commencé comme à ça. Voir les choses comme ça. Oui. Et puis, plus tard, on l'a effrayée. On a effrayé cette femme-là. Oui. Et tu vois que la même chose qu'on a fait pour cette femme, on le faisait aussi la même chose. Mm-hmm. Oui, c'est... J'ai remarqué dedans qu'il n'allait pas jusqu'au bout. C'est-à-dire, on commence quelque chose à un milieu, ça chamboule. Oui. Il y a l'intervalle du repos qu'on l'accorde. Oui. Ça, c'est la toute-puissance de Dieu, ça. Oui. Il est ignorant. Oui. Il y a l'intervalle du repos qu'on l'accorde. Puis, ça revient. Oui. On avance. Quand ça va aller jusqu'à ce que ça va le saisir, il y a encore l'intervalle du repos qui lui est accordé pour aller ici, pour quitter d'ici, là. Jusqu'à ce que lui, il entre dans le ministère comme on voulait, sans s'en rendre compte. Il appelait Seigneur. Donc, comme il a échoué, d'après ce que je comprends, comme le Satan a échoué en le consacrant à être marabout divin, comme cette femme-là, il a plutôt fait la transition maintenant à l'utilisant maintenant comme prophète au milieu de l'église. Évidemment. Et au milieu de l'église, on ne discerne pas cela, puisque tous là sont dans le faux. Il s'invite à l'intérieur, commence à donner le message, et maintenant il est quitté de marabout à prophète. Oui. Alors, maintenant, lors de sa délivrance, qu'est-ce que tu observes? J'ai observé que cet esprit, en fait, ces esprits-là, ont à chaque fois dit que leur mission c'était de détruire. Oui. Détruire. Et non seulement lui et aussi sa famille. Oui. Et Dieu l'a fait plusieurs fois voir ça dans les songes. Oui. Et puis, jusqu'à ce que ces êtres quittent. Oui. Or, ils ne sont pas entrés au hasard. Oui. Parce qu'ils savaient qu'il était une machine construite oui. pour une œuvre. Oui. Ils sont venus les premiers le posséder pour fonctionner. Oui. Mais quand il est arrivé, le Seigneur l'a fait grâce. Oui. Il est sorti, c'est ici que manifeste la toute-puissance de Dieu. Oui. Sa manifestation au milieu de l'église, quelle leçon peut-on en tirer? Ouais, ça, déjà, la première des choses qu'on devait remarquer, qu'on doit remarquer, c'est que le monde noir a un objectif. Oui. Renverser l'évangile de Christ. Oui. Et qu'est-ce qui se passe? J'ai vu la ruse ouverte du diable. Oui. Ça, c'est la plus grande des ruses. Hein. Puisque il a une mission. Oui. Quand tu regardes son utilisation, il y avait un dessin. Oui. Mais il fallait passer pour qu'il entre dans le dessin afin d'agir. Et quand il est entré au milieu de l'église, tu vois que depuis, dans son témoignage, par exemple, l'esprit ne le parlait pas. Oui. Jusqu'à ce qu'il entre au milieu de la religion, l'esprit commence à le guider. Et là, on le mène au sommet. Voilà, dès que l'esprit entre, on le surmonte. Puisque même le pasteur qui donne les vêtements, il va croire qu'il fait ça pour l'œuvre de Dieu. Oui. Cependant, c'est cet esprit qui le manipule pour élever celui-ci afin de tourner les regards, sachant qu'il va utiliser celui-ci, puisqu'il a commencé à imposer les mains. Oui. S'il impose, il impose. Il communique l'esprit. Voilà, il communique plusieurs esprits. Oui. Et ce qui fait que le dessin va arriver jusqu'au bout. Donc, le plan du diable, c'est détruire l'église de Christ en s'infiltrant, étant au milieu de l'église semblable aux agneaux. Donc, la prophétie du Seigneur Jésus s'accomplit par tant des hommes comme ça. Ah bon? On voit qu'ils vont s'introduire au milieu de nous par des ruses. Donc, faire semblant de ne pas t'utiliser en grand. Et c'est ce qui condamne plusieurs personnes. Ah ben. Parce que la lui où on l'a élevé, si il prenait plaisir à sa position, c'était terminé. On peut pas, il pouvait quitter là, aller créer son ministère. Oui, il devrait quitter, voilà. C'est ça qu'on le maintenait là. Oui. S'il faisait ce voyage, il réussissait. Oui. Il part, il revient, il va créer une dénomination. Oui. Et dès qu'il crée la dénomination, cet esprit vont s'accaparer pour qu'il l'ait distribué. C'est ce qui se trouve dans le plan religieux. Avec maintenant ton expérience, tu as vu effectivement que le Seigneur t'a délivré de cela. Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil à tous ceux qui nous écoutent, particulièrement? Je dis, je laisse le monde des ténèbres des gens qui font chez les marabouts. Parce que ton témoignage va dans le sens des gens qui s'appellent prophètes aujourd'hui au milieu de l'église et qui savent effectivement, comme le cas de la femme de ce prophète, pasteur-là, qui est initié, mais qui s'est converti maintenant en prophétesse au milieu de l'assemblée. Quels sont les conseils que tu peux donner aux chrétiens qui nous écoutent maintenant et tous ceux dans le monde entier qui sont passés par cette étape et qui se trouvent au milieu chrétien et aux pasteurs aussi qui servent? Donc, les conseils que je vais donner à mes chers frères qui m'écoutent partout dans le monde entier, c'est que, en effet, le diable est entré dans le corps de Christ cherchant à semer sa semence. Oui. Ce qui fait qu'aujourd'hui, s'ils ne sont pas suffisamment matures dans la parole, ils ne pourront pas comprendre et discerner quelles sont ces ruses du diable. Oui. Et pour être mature dans cette parole, il doit falloir quitter ces dénominations. Oui. Parce que s'ils s'attardent à y rester, ils ne pourront jamais s'en sortir. Parce que dans ces milieux-là, les ténèbres y demeurent. Et à tous les pasteurs et à tous les prophètes qui m'écoutent en ce moment-ci, moi je dis ceci, il est temps pour nous de retourner encore devant le Seigneur pour savoir si réellement c'est lui qui nous a appelés et si réellement c'est lui qui nous a envoyés. Oui. Parce que après avoir écouté ce témoignage, oui, je crois que vous aurez beaucoup de questionnements. Mais il n'y a que le Seigneur seul pour vous faire comprendre en fait que l'appel que vous avez reçu disant venu de Dieu, oui, il n'y a que lui pour vous témoigner que cet appel-là ne vient pas de Dieu. Oui. Et lorsque vous écoutez ceci, le Seigneur m'a accordé la grâce de me repentir vraiment pour cette pratique que j'ai pu faire par le passé. Donc si vous écoutez ce message-ci, n'endurcissez pas vos cœurs et ne dites pas que c'est la fin pour vous. Le Seigneur est capable, s'il a fait pour moi, il est capable de le faire également pour vous. Là, l'autre jour, quand nous réunissons, quand il dit toi, viens, je vais te voir mardi, le mois est arrivé pour toi. Qu'est-ce que, en rentrant dans la maison, qu'est-ce que tu as pensé? Bon, en rentrant de la maison, dans mon esprit déjà, je me suis rappelé. Parce que dernièrement, quand j'étais là, avant même ce jour-là, quand j'étais là, j'essayais de parler au franchis de mon état. En fait, vous en avez parlé? Oui. Bon, je voulais lui parler. En fait, il me disait, même si c'est comment, il faut que j'entre dans la prière, que je demande pardon au Seigneur. Donc il m'a recommandé de prier en fait, en attendant le moment du Seigneur. Parce que c'est le Seigneur qui doit donner l'ordre pour que cela se passe. Contrairement à ce qui se passe dans les dénominations aujourd'hui, où les gens se mettent à dire qu'on va délivrer quelqu'un, pourtant l'ordre n'est pas venu du Seigneur. Donc en ce jour-là, j'ai compris réellement que c'est Dieu qui ordonne, qui organise les choses. Donc quand je rentrais donc ce jour-là, j'ai dit que certainement, c'est le Seigneur a permis que je sois délivré. Donc c'est d'abord à cela que j'ai pensé. Ce qui fait donc quand je suis rentré le jour-là, je demandais encore davantage pardon au Seigneur. Donc, et que si quelque chose se cachait n'importe quoi en moi, qu'il révèle cela. Et que cela. Et maintenant qu'on a commencé la prière, comment ça s'est commencé? Comment ça a commencé? Comment ça t'a pris? Donc, comment ça a commencé dans ton corps? Quand on a commencé la prière, déjà, je ressentais donc à l'intérieur de moi, en fait, quelque chose qui montait du pied jusqu'à venir s'arrêter au niveau de la poitrine. Donc, je ressentais que la prière, en fait, était en train d'influencer ces esprits-là. Ce qui fait que au niveau d'ici de la poitrine, ces esprits-là étaient calés. Donc, jusqu'à ce que le Seigneur puisse par vous intervenir comme ça, à ce que je puisse tomber. Donc, je n'ai pas su à quel moment je me suis retrouvé de l'autre côté. Donc, j'ai juste compris que c'était la puissance de lui. La puissance même de cette nuit. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Que dis-tu aux frères qui se confient dans le palais en langue? Voilà. Et parce qu'il y a les pasteurs qui sont les maîtres distributeurs. Et il y a ceux qui s'y attachent avec conviction et assurance, comme toi, ton cas. Que dis-tu? Donc, frère, tout ce que je dis à toutes ces personnes dans les dénominations ou n'importe où qui croient que le soi-disant parler en langue qu'ils l'utilisent vient du Seigneur, moi, je profite de cette occasion pour dire ceci. Le parler en langue telle que la Bible l'enseigne, l'apôtre Paul lui-même a dit, moi je parle en langue plus que vous tous. Mais avez-vous déjà vu l'apôtre Paul là parler le chababa que vous parlez aujourd'hui? Donc c'est la question que je me pose. Et si déjà l'apôtre Paul, qui a annoncé l'évangile dans plusieurs nations, à parler en d'autres langues, est-ce ces langues-là que nous parlons aujourd'hui, chababa, que l'apôtre Paul parlait? Donc c'est la question que je vous pose. Donc il est temps que nous puissions marcher selon la parole du Seigneur. Donc ce que je vous dis, c'est que nous devons retourner à la parole telle qu'elle a été écrite, selon la simplicité de l'évangile, telle qu'il a été révélé. Et l'apôtre Paul a dit qu'il a annoncé tout le conseil de Dieu sans rien cacher. Donc frère, toi qui m'écoutes maintenant, si tu es pour le Seigneur, il est temps que tu saches que ce parler en langue que tu utilises n'est pas de Dieu. C'est un parler en langue démoniaque. Et même les marabouts l'utilisent pour faire les incantations. Donc ce que moi je vous dis, c'est que vous devez vous repentir devant le Seigneur pour ces faux parler en langue et demander pardon au Seigneur pour Mais il peut être sincère et ignorant là-dedans. Il parle sincèrement, ne faisant pas aucune manifestation de mauvais. Justement, par exemple, mon cas, je ne voyais aucune mauvaise manifestation de cela. Mais cela ne veut pas pourtant dire que la Bible contredisait ça. Déjà, l'une des preuves, les preuves sont très, très, très énormes. Parce que dans ces assemblées où vous dites que vous parlez en d'autres langues, personne n'a jamais reçu l'interprétation. Et ce que vous appelez interprétation n'est pas prouvé bibliquement. Voilà pourquoi on doit renoncer à ces choses-là et s'accrocher à la parole de Dieu telle qu'elle est décrite. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Et bonne marche. On se retrouve dans les 3 jours. Merci, frère.